Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. François avec vous pour ce soir une émission mosaïque où il sera question de différentes choses en direct de la Lune, les Français vus par l'étranger, la France alcoolique, la chanson de Léo Ferré, La Complaine de la télé, chanteur, chargeur de trottinette électrique. C'est Charline qui va nous expliquer ce nouveau métier de l'aérotrain au TGV. On est passé peut-être à côté de quelque chose de très très important en matière de transport. Et puis c'est revenu, mais on s'est revenu à l'étranger, les Chinois, les Japonais, etc. On fait mieux que nous. Et puis voilà, on a loupé le coche, comme dirait l'autre. Hein. La musique classique, bien sûr. Le média, anonymat, traité d'Aix-la-Chapelle, accident. Alors là c'est important et c'est grave. La Macronie est en train de se durcir et les ressemblances avec des personnes anciennes, des périodes anciennes où on pensait ne jamais replonger. Eh bien, il y a des risques quand même. Oui. L'Europe, elle ne se construit pas du tout comme elle devrait se construire. Il ne s'agit pas de l'Europe des peuples, il s'agit de l'Europe des capitaux, des capitalistes, des banques, et d'un certain, on pourrait dire sans exagérer, d'un certain nationalisme allemand. Hein. Mélenchon raconte la Révolution française, hein, voilà. Et puis tout ça tiré de essentiellement des archives de l'INA, et puis également aussi de le média, la chaîne télé privée qu'on peut avoir sur le net, hein, voilà. Eh bien, bonne soirée. Et si on jetait un coup d'œil sur la presse, alors pris un peu au hasard quand même, des articles de journaux, celui-ci par exemple du 15 janvier 2019. Paris, hôpital Lariboisière, patiente décédée aux urgences des dysfonctionnements, entre guillemets, dysfonctionnements. Une série de dysfonctionnements dans un contexte plus général de manque de moyens, notamment de médecins. Ce sont les conclusions dévoilées lundi de l'enquête interne sur le décès inexpliqué d'une patiente aux urgences de l'hôpital Lariboisière en décembre à Paris. La femme âgée de 55 ans avait été retrouvée morte presque 12 heures après son admission pour des causes toujours inconnues et qui relève d'une enquête judiciaire. Alors quand même, de quelques lignes plus bas, on nous dit que manque d'effectifs. Ce jour-là, l'activité était supérieure à la moyenne. 249 passages contre une moyenne de 230 par jour. Les équipes soignantes étaient au complet, mais l'absence d'un médecin en journée a entraîné une surcharge sur l'activité de garde, selon l'APHP. Plus généralement, le ratio des effectifs médicaux en regard de l'activité est inférieur à celui des autres urgences, alors même que les urgences de Lariboisière sont les plus fréquentées de la région parisienne. Voilà comment on nous gouverne. Alors la santé encore, c'est le hasard qui fait que les choses arrivent comme ça les unes derrière les autres. Là, il s'agit du toujours le 15 janvier. Hein, oui. Ah oui, c'est le 15 janvier. Remiremont, l'humain d'abord au centre hospitalier. Remettre le centre hospitalier au milieu du village, c'est ce qu'ont tenté de faire tous les intervenants à la cérémonie des vœux du centre hospitalier ce lundi soir. L'humain d'un côté, l'économie de l'autre. L'humain d'un côté, l'économie de l'autre. Oh, ça, il faut le souligner pour pas l'oublier. L'humain d'un côté, l'économie de l'autre. Au milieu, un chirurgien consterné. Quand c'était Mazen Chabas, le grand frère, lundi soir à la cérémonie des vœux du centre hospitalier, je suis consterné autant que vous, je vous appelle mes frères et sœurs. Le chirurgien et président de la communauté médicale d'établissement de Remiremont a parlé à l'Assemblée avec le cœur, car sa deuxième grande famille a besoin d'être rassurée. Le fameux contrat de performance qui ambitionne l'équilibre financier des deux hôpitaux de Remiremont et d'Épinal d'ici 2022 sème un sentiment d'angoisse mauvais pour la santé. Le docteur Chamas met en garde l'hôpital. L'hôpital, entre guillemets, c'est un corps qui fonctionne avec la tête, le cœur, les yeux, les bras, les jambes, qui travaillent de façon harmonieuse. Tout organe malade provoque un défect. On est là pour soigner, c'est un droit. On est tous solidaires, c'est un droit. Ah, il faut souligner un droit. Eh oui, les gens ont droit à la santé. Et tous solidaires, harangue le chirurgien, des plans, on en a vu, on ne risque rien. Les réformes sont nécessaires, mais le projet n'est pas défini. Une intervention qui le rend encore plus attachant aux yeux de ses collègues, qui l'ont applaudi avec force. Le courage de ses opinions aussi. L'humain d'abord, pour le député Christophe Negelen aussi, sans mâcher non plus ses mots. Je demande qu'il y ait plus d'humanité et aussi d'expliquer. Tout le monde serait plus reconnaissant. Voilà. La boîte noire, on change complètement de sujet et d'époque, de mois. Hein. Mais non, toujours le 15 janvier. Toujours le 15 janvier, ben oui, c'est comme ça. On bat les cartes et puis... La boîte noire du Mirage retrouvée, Franche-Comté. L'enregistreur du vol de Mirage 2000D, accidenté mercredi dernier à Mignavillers, dans le Jura, Mignavillers, a été retrouvé ce week-end, annonce le procureur de Metz. Son analyse a été confiée à la Direction Générale de l'Armement. Alors, on en saura plus un jour, peut-être, un jour. Hein, mais bon, voilà, même la famille, même les familles n'ont pas forcément le droit de savoir beaucoup de choses. Hein. Voilà, enfin, en tout cas, les avions de M. Dassault, de temps en temps, il leur arrive de tomber. Girancourt qui veut héberger des petits Ukrainiens, point d'interrogation, afin d'accueillir encore plus de jeunes gens originaires de la région de Tchernobyl, issus de milieux défavorisés. L'association des enfants de Tchernobyl cherche des familles pour les séjours ponctuels. L'une d'elles témoigne. Voilà. Alors, accueillir des enfants, ça leur fait du bien. Ça leur permet de se décharger de une partie seulement de leur radioactivité. Les dégâts qui ont été causés, sont peut-être irréversibles. Hein, voilà. Donc, on a averti quand même. Hein, Tchernobyl, maintenant, on sait ce que c'est. Thank you. Nous sommes le 20 juillet 1969. Il est 23h45, à l'heure de Washington. Dans quelques instants, près de 700 millions de téléspectateurs vont assister à un appel téléphonique comme il n'y en a jamais eu. Go ahead, Mr. President. Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made. I just can't tell you how proud we all are of what you do. For every American, this has to be the proudest day of our lives. And for people all over the world, I am sure they too join with the President in recognizing what an immense feat this is. Because of what you have done, the heavens have become a part of man's world. Cette conversation entre le président des États-Unis, Richard Nixon, et les deux astronautes Neil Armstrong et Buzz Aldrin, qui depuis une heure à peine sont les deux premiers hommes à marcher sur la Lune, est l'aboutissement d'une fabuleuse aventure humaine, scientifique et médiatique. Car aussi extraordinaire que cela puisse paraître, une caméra de télévision est là pour témoigner de cet exploit. Dans les années 1950, les États-Unis et l'URSS se sont lancés dans une course effrénée pour la conquête de l'espace. Le 20 juillet 1969, ces images retransmises en direct de la Lune jusqu'à la Terre apportent à l'ensemble du monde occidental la preuve de la victoire écrasante de l'Amérique. Pour les téléspectateurs, le grand voyage a commencé il y a 4 jours, ici à Cap Canaveral, en Floride. Il est 4h35 du matin. Depuis le début de la journée, les caméras suivent pas à pas, enregistrent les moindres gestes de ces trois Américains dont la... Sont-ils gays, les Français ? Oui, oui, je crois. Je ne crois pas, ils sont plutôt ironiques. Et l'ironie suppose une certaine acidité. Ils sont toujours en train de rire. Oui, à côté de japonais, oui. Ils sont assez décontractés. Et à table, est-ce qu'ils se tiennent bien? Oui, ils se tiennent bien, mais j'ai remarqué qu'il trempe tout dans son café. C'est dégoûtant. Est-ce que la cuisine française est bonne? Excellente. Formidable. Oui, elle est bonne, seulement il faut l'assimiler. Une des meilleures? Oui, certainement, elle est excellente. Est-ce qu'il y a un plat que vous préférez? Il y en a tellement. Ah, le steak au poivre. La daube provençale. Le steak frites et le vin rouge. Les œufs bonnes femmes. Le bourguignon. Qu'est-ce que vous pensez de la galanterie française? Ça n'existe pas. Je crois qu'elle a un peu disparu. Vous ne trouvez plus de la galanterie? Non, ça existe dans la littérature, pas dans la vie. Je la trouve par moments un peu servile et un peu intéressée. On a fait aux Français la réputation d'être des amants exceptionnels. Est-ce que vous pensez que cela est vrai? Non, je ne sais pas. Comme le Norvégien, quoi. C'est pareil, n'importe quel pays. Je ne crois pas qu'ils sont particulièrement exceptionnels. Ils sont des très bons amants, mais... Bon appétit, là, ce soir. Je ne crois pas qu'on soit alcoolique en France. Ah oui, on boit du vin, c'est un fait, mais ça ne veut pas dire qu'on soit un alcoolique complet. La France ne tient pas sur le même graphique que les autres pays. En 1965, sur 100 000 personnes, l'alcool tuait 12 Français pour un Allemand. La drogue, c'est pour moi, c'est un danger public, c'est plus pire que l'alcool. Sondage exclusif INF2 Publimétrie. 69% des Français pensent que l'alcool est une drogue, 27% pensent le contraire et 5% n'ont pas d'opinion. Il y a des alcooliques qui vivent très vieux, il y a presque des centenaires. Tandis que la drogue, ça vous tue tout, ça vous esquinte fatalement, ça vous tue, il n'y a plus d'hommes. Ah, il n'y a pas de comparaison. Un alcoolique, on peut encore le guérir, tandis qu'un drogué, j'en ai jamais vu. En France, il y a 6000 drogués pour 4 millions d'alcooliques. À la maison, je bois du café, mais sitôt sorti de la maison, le premier bistrot qu'il y a, je commence au blanc, quoi. Alors, en allant à mon travail, 7-8 bistrots. Alors, c'est du blanc, et pas des petits, des ballons. Et j'arrive à en boire 8-9 avant d'arriver à mon travail. Et après, je pars au rouge. Oui, le vin, c'est vraiment pas de l'alcool, c'est une nourriture, si on veut. Le vin, non, c'est pas de l'alcool. Ça fait du bien, le vin. C'est bon. 4 litres de vin à 12 degrés égale 1 litre d'alcool pur à 48 degrés. Le vin, c'est aussi pour la France une civilisation, une culture, un prestige et une source appréciable de revenus. Pour 1972, par exemple, la France a exporté pour près de 419 milliards d'anciens francs de vin et spiritueux. Vous savez, en France, on a tellement d'occasions de boire, que ce soit pour une naissance, pour un enterrement ou quoi que ce soit, vous allez chez les gens faire du travail, bon, la première chose qu'on vous dit, vous voulez boire un coup. Bon, ben, il y a messieurs, hein, à la prochaine, et au revoir, et puis, faut bon retour, hein, au revoir, messieurs. En 1970, mort par la route, 15 034 personnes. Mort par l'alcool, 30 478 personnes, soit plus du double. J'ai commencé à boire quand j'étais jeune, parce que je me suis mariée jeune. Et après, j'en ai pris l'habitude, je buvais en famille, comme tout le monde peut-être, et puis je m'en suis servi comme stimulant, c'est devenu une catastrophe. Mais pensez qu'il y a 600 000 Françaises qui boivent, et en somme, on ne le sait pas, parce qu'une Française, elle boit, elle se cache, elle ne sait pas comme un homme, elle a honte. Alors elle boit chez elle, et c'est très dur à déceler une femme qui boit. Ça, c'est la France, quoi. Une bonne bouteille, mais... Il y a toujours une bonne bouteille sur la table, ça c'est évident. C'est pas pour ça qu'on est alcoolique. En France, on boit beaucoup d'alcool, puisque c'est en France qu'on boit le plus d'alcool dans le monde. Mais à 70%, il s'agit du vin. La bière vient ensuite. En troisième lieu, vous avez les apéritifs, notamment les apéritifs anisés. Et ensuite, les eaux de vie, parmi lesquelles le whisky tient une petite place, 5% environ, de la consommation globale française. Et qui boit ? Ben, tout le monde. Toutes les classes de la société boivent et on assiste aujourd'hui même à un alcoolisme des cadres qui devient de jour en jour plus alarmant. Et pourquoi boit-on ? Quelles sont les motivations ? Vous avez la publicité d'une part. D'autre part, vous avez un certain nombre de gens qui boivent parce qu'ils sont mal à l'aise dans leur peau et qui sont victimes d'une maladie de l'adaptation face à une vie trop dure, surtout dans les concentrations urbaines. Et les jeunes gens ? Les jeunes gens, on a cru il y a 15 ans que les jeunes gens ne buvaient plus d'alcool. En réalité, ils se remettent à boire, seulement ils ne boivent plus comme leurs devanciers. Il y a aussi que les boissons alcooliques coûtent souvent moins cher. Elles sont frappées de taxes moindres que les boissons non alcooliques, les jus de fruits. Et c'est dommage. C'est là qu'il faudrait une action gouvernementale. Pas un gouvernement n'a osé prendre ces mesures. Alors quel est celui qui osera, en Conseil des ministres, prendre les mesures que tout le monde connaît ? La question reste ouverte. Chaque année, l'alcoolisme coûte aux Français 7 milliards 500 millions de nouveaux francs. Boire un petit coup, c'est agréable. En France, dit-on, tout finit toujours par des chansons. Et ces refrains bachiques parviennent encore, en fin de banquet, à donner bonne conscience aux Français qui pourtant, avec 26 litres d'alcool pur par adulte et par an, détient le record mondial de consommation. Boire un petit coup, c'est... Je me récale sur les toits, je suis pas grand. grand-chose de bien, c'est sûr, mais ce qui me gêne, c'est leurs jeux interlopes qui me luxent les antennes. J'ai un gars qui est direct, et l'autre qu'on nomme playback, et tout ça se pellicule, et tout ça se met en boîte. Mais les clients sérieux, c'est pas qu'ils m'embarrassent, et pour pas faire d'envieux, je me les fais face à face, et pour pas faire d'envieux, je me les fais face à face. On m'appelle la télé, la montreuse électrique, et je suis comme une morphine qu'endort la République. Quand il y a des pinailleurs qui me soulèvent des problèmes, sur qui ou quoi ou qu'est-ce, je leur dis jugez vous-même. Un ministre à l'année que le trottoir indispose entre deux cabinets fréquente ma télé close pour les yeux affamés qui vont chercher fortune dans mon lit à colonne. Je peux leur montrer ma une dans mon lit à colonne. Je peux leur montrer ma une. On m'appelle la télé des familles. Tout ce qu'il y a de mieux, j'ai des ministres occultes à qui je fais les yeux. Je suis la télé partout, c'est finalement, faut bien le dire, qu'importe la part de tous, quand c'est pour le plaisir. Des fois je suis l'invisible, j'en ai qui marchent ça. T'as pas vu mon coco, mes soutiens caméra. Quand je suis exciting, y'a de drôles de poulets qui foutent un carré blanc sur ceux qu'ils vont lorgner. Qui foutent un carré blanc sur ceux qu'ils vont lorgner. On m'appelle la télé et je fais tous les quartiers avec mes pattes en l'air. J'ai le voyeur assuré, l'Olympe s'est vidé, le music hall du business, alors pour le remplir, il tape mon palmarès. Depuis que j'ai de la lecture, pour tous, je suis un peu snob, je bouffe avec mon terrain qui m'améliore mon job. Mais comme le vendredi, c'est le jour de la morue, mon Mac Panorama me fout au coin des rues. Mon Mac Panorama me fout au coin des rues. On m'appelle la la photo cavaleuse sur mon trottoir là-haut, je me sens toute transisteuse, tout comme les filles publiques qu'ont leur jour de sortie. Moi, pour prendre un coup d'air, faut que je me tape leur rubis. Des fois, je suis comme les grues qui font du sentiment, je fais pas payer trop cher, que tout le monde est content. Des fois, je suis pas causeuse, c'est quand j'ai mes affaires. Alors je dis Barca et je pencherai mon petit père. Alors je dis Barca et je pencherai mon petit père. Alors je dis Barca et je pencherai mon petit père. Charline Vanhoenacker, un nouveau métier apparaît en France, chargeur de trottinettes électriques, des auto-entrepreneurs qui récupèrent les engins la nuit pour les recharger chez eux. Oui, j'ai reçu un témoignage de l'un de ces travailleurs précaires. Je vous lis sa lettre qui commence par ces mots. « Ne dites pas à ma mère que je suis chargeur de trottinettes, elle pense que je suis livreur Deliveroo. » Car on a beau répéter qu'il n'y a pas de sous-métier, là je dois dire que je prends énormément sur moi. Je m'appelle P, je suis chargeur de trottinettes électriques, un métier qui demande peu de qualifications vu que ça consiste à brancher et débrancher une prise. Mais je me suis mis en auto-entrepreneur, donc je suis mon propre patron. Je récupère les engins dans Paris la nuit, c'est comme un grand jeu de Pokémon Go, et je les ramène chez moi pour les recharger, ce qui me rapporte de 5 à 10 euros la trottinette. Mais ça crée des malentendus, puisqu'hier, j'ai croisé la mamie du premier étage dans les escaliers, j'avais 4 trottinettes sous le bras, elle est donc persuadée que j'ai 4 gosses, que je les séquestre, et elle m'a envoyé les services sociaux, dont l'agent s'est pris les pieds dans les câbles qui traînaient au sol. Il est actuellement en ITT. Alors que le seul souci chez moi, c'est dès que je branche 3 trottinettes et mon grippin, je fais sauter les plombs. Heureusement, j'ai la solution, j'ai installé une dynamo sur mon vélo d'appartement, comme ça je pédale pour recharger les trottinettes. En revanche, je commence à avoir de mauvais réflexes. La dernière fois qu'un pote a rechargé son téléphone chez moi, je lui ai facturé 5 euros. J'avais l'impression de faire des heures sup. Car c'est moi, cette job est une vocation. Déjà tout petit, je rechargeais les piles pour les revendre à mes copains à la récré. Alors faut pas croire, c'est crevant comme boulot et j'en connais certains qui finissent en burn-out. Mon collègue Dimitri était tellement au bout du rouleau qu'il a mis les deux doigts dans la prise pour se recharger un petit peu. Il est toujours à l'hôpital, mais lui n'est pas couvert par l'assurance. De toute façon, Dimitri allait ramasser les trottinettes électriques en Kangoo diesel, alors. Non, moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est le sentiment du travail accompli. Quand au petit matin, je vois tous ces Parisiens aller au boulot en se faisant insulter par des piétons parce qu'ils roulent sur le trottoir, c'est mon petit plaisir. Alors peut-être qu'un jour, nous serons remplacés par des drones qui localiseront et porteront à la recharge toutes les trottinettes de la ville. Mais bon, faudra quand même des gens pour recharger les drones. Encore une preuve qu'entre la Startup Nation et les précaires, le courant passe vraiment très bien. Charline Vanhoenacker, merci. Belle, mais où est la réalité ? Cet aérotrain qui se déplace sur un matelas d'air à quelques centimètres du sol, est-ce la réalité d'aujourd'hui ou celle de demain ? Débarrassé de tout contact avec la Terre, il est capable de se déplacer à 600 km à l'heure, de relier Paris à Lyon en 45 minutes. Restera-t-il un jouet, une maquette, ou le prendrons-nous demain, comme nous prenons aujourd'hui le métro ou l'autobus ? Et pourquoi ne pas imaginer que cette technique de déplacement sur des coussins d'air puisse être utilisé pour d'autres moyens de transport, pour les voitures par exemple. Voici ce qu'en dit son constructeur, M. Bertin. J'ai entendu dire parfois qu'il était inutile de construire des autoroutes, que de toute façon dans 10 ou 15 ans, tous les véhicules seraient à coussin d'air et qu'il suffirait d'avoir des espaces plans pour qu'ils se déplacent. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour le moment, c'est une notion, je ne voudrais pas la qualifier trop sévèrement. Enfin, elle est sûrement complètement erronée dans l'optique de ce qu'on peut faire avec les coussins d'air actuellement. Je pense que là où les coussins d'air ont des très grosses chances, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est pour l'aérotrain, par exemple, qui est après tout un transport public, qui n'est pas un transport individuel. Également, le premier débouché des machines libres, des aéroglisseurs libres. Nous le voyons sur la Manche, par exemple, ou pour la Corse. Encore une fois, c'est un transport public, collectif. Des machines individuelles utilisables sur Terre à la demande des particuliers en toutes circonstances, nous ne voyons pas comment elles pourraient fonctionner, étant donné que ces machines, à côté de leur très grande qualité, ont un gros défaut, c'est qu'elles n'ont pas de pouvoir directionnel. On appelle pouvoir directionnel la faculté d'influer, même à grande vitesse, rapidement sur la position qu'elles occupent à un moment donné par rapport au sol. C'est ce qui permet à un automobiliste d'éviter celui qui vient en face, quelquefois à 10 cm près, parce qu'en quelques centièmes de seconde, il a pu gagner les 10 ou 20 cm qu'il lui fallait pour éviter. On n'imagine pas le nombre d'accidents qui sont évités par cette faculté. Un aéroglisseur ne l'a pas. Par conséquent, nous ne voyons pas comment une circulation de nombreux aéroglisseurs sur une piste ou une voie du genre autoroute, faite pour eux, pourrait se produire. Nous ne le voyons vraiment pas. À la préfecture du Rhône, hier après-midi, un certain nombre de responsables régionaux ont étudié la possibilité de relier Lyon, Saint-Étienne et Grenoble à la vitesse de 300 km/h. Il ne s'agit pas de science-fiction, mais d'un nouveau mode de transport, l'aérotrain, mis au point par une équipe française que dirige M. Jean Bertin. L'inventeur et ses collaborateurs ont présenté une maquette aux personnes présentes, parmi lesquelles messieurs Ricard, préfet de région, Greffe, préfet de la Loire, Doublé, préfet de l'Isère, et le maire de Lyon, monsieur Pradel, ainsi que celui de Grenoble, monsieur Dubedoux. Cette nouvelle réalisation, qui intéresse déjà très vivement les Américains, verra peut-être le jour dans notre région, entre Lyon et Grenoble, ou bien Lyon et Saint-Étienne. Monsieur Jean Bertin nous présente maintenant les principales caractéristiques de l'aérotrain. Il n'y a pas d'organes qui sont en contact avec la voie. La voiture est supportée par des coussins d'air ici et guidée également par des coussins d'air. ces coussins d'air sont clés par des ventilateurs actionnés par des moteurs avec des puissances limitées. Et une fois que ce guidage, cette sustentation ont été obtenus, la machine peut aller à peu près à la vitesse qu'on veut. C'est certainement un des moyens les moins chers d'obtenir une grande vitesse. Voyez-vous, c'est ça, je crois, ce qu'il faut retenir. Qu'attendez-vous pour grande vitesse pour l'aérotrain ? Eh bien, entre 200 et 400 km à l'heure. C'est-à-dire des vitesses qui ont déjà été obtenues, bien sûr, avec des véhicules à roues, mais en exploit isolé et non pas en trafic de tous les jours. Donc c'est pour vous une solution pour les moyennes distances ? Essentiellement, nous pensons que c'est une solution pour des distances, disons, comprises entre 50 et 200, 300 km. Voilà, c'est l'ordre de grandeur qui nous paraît favorable. Nous allons maintenant demander aux principaux responsables de notre région si ce premier contact avec l'aérotrain les a convaincus sur l'intérêt de ce moyen de transport révolutionnaire. Tout d'abord, M. Ricard, préfet de région, préfet du Rhône. Vous avez parlé de procédés révolutionnaires. Par définition, les préfets ne sont pas très favorables aux révolutions, puisqu'ils sont garants de l'ordre. Mais en l'espèce, je vais déroger aux principes habituels. Je suis absolument convaincu de l'extrême intérêt que présente un tel procédé. Déjà il y a quelques mois, à l'occasion d'une réunion parisienne, j'avais pu me pencher sur le projet de M. Bertin, et la réunion d'aujourd'hui m'a convaincu, bien plus encore, de l'extrême nécessité d'avoir, grâce à ce procédé, des relations extrêmement fréquentes, rapides, entre les trois grandes villes qui font la capitale tricéphale de notre région, Lyon, Grenoble et Saint-Étienne. Je souhaite que très bientôt, nous puissions nous réjouir à la pensée que ce procédé va connaître une très rapide, une très heureuse réalisation. Monsieur Grève, préfet de la Loire. Vous savez que les pouvoirs publics ont décidé de faire de Lyon une grande métropole régionale. Ce sera une métropole bipolaire, Lyon-Saint-Étienne. Il est dans cette optique absolument indispensable qu'il y ait des liaisons abondantes et rapides entre Saint-Étienne et Lyon. Je crois qu'en dehors de la liaison autoroutière, qui a son intérêt spécifique, la formule de l'aérotrain est capable de résoudre un certain nombre de problèmes de liaison entre les deux villes à vitesse rapide. Monsieur Dubedou, maire de Grenoble. L'intérêt de l'aérotrain, il est évident. Deux villes de l'importance de Lyon et de Grenoble séparées par un relief aussi difficile. D'améliorer les communications au point permis par l'aérotrain risque de changer totalement la nature des relations entre ces deux villes. C'était, il y a encore quelques jours, dans les ateliers de la compagnie française UTA au Bourget, les dernières finitions de l'aérotrain Orléans 250-80, 250 km/h, 80 passagers. Construit en collaboration UTA-Sécan, ce véhicule sur coussin d'air, qui est le premier aérotrain construit dans le monde en vraie grandeur, est destiné aux liaisons intervilles à moyenne distance. Il est caractérisé par un freinage rapide et efficace, réalisable au moyen de ses patins. Un dispositif de roues rétractables et motrices permet au véhicule d'effectuer une translation latérale. Encore plus caractéristique, cette hélice carénée. Elle est d'un diamètre de 2,30 m. Elle est probablement la plus grande hélice carénée au monde. Les essais de l'aérotrain débuteront dès la fin de ce mois sur la voie de 18 km de long, implantée au nord d'Orléans. Ce matin, c'était la présentation aux journalistes. Voici l'intérieur de l'aérotrain. Monsieur Graff, on peut dire que vous êtes le Turcat de l'aérotrain. Vous êtes le conducteur de cet aérotrain qui bientôt va être mis en œuvre à Orléans. Quelles sont vos impressions ? Là, vous êtes au poste de commande. Quelles sont vos impressions ? C'est toujours les mêmes impressions que peuvent avoir les équipages d'essai quand ils prennent en main la première fois la machine. Et ce que nous espérons surtout maintenant, c'est pouvoir prouver les performances que nous avons annoncées et pouvoir aller à l'avant. Pouvoir aller très vite. Quelle vitesse vous pensez atteindre ? Nous pensons certainement atteindre les vitesses annoncées, c'est-à-dire des croisières de 250 km/h avec des pointes de 300 km/h, certainement assez rapidement. Pour la première fois, l'hélice de l'aérotrain a tourné. Monsieur Bertin, qui a conçu ce type de sustentation par coussin d'air, vous explique pour quelles raisons il s'est orienté vers ce mode de transport. Cette formule aérotrain a été voulu pour offrir aux voyageurs terrestres un moyen de transport en commun vraiment moderne. Cette solution peut offrir aussi bien les très grandes vitesses pour les voyages intervilles, pour les liaisons intervilles, qu'une très grande souplesse pour les liaisons en zone urbaine ou suburbaine. Il est certain qu'à ce moment-là, la vitesse n'a pas le même facteur d'intérêt que pour les liaisons intervilles. C'est un élément du problème. On peut dire aujourd'hui également qu'après plus de 10 ans de recherche, d'études et d'essais, cette formule est maintenant prête pour une exploitation. L'aérotrain, les habitants de la région parisienne sont enfin fixés aujourd'hui sur le parcours défini. Le district parisien avait à choisir soit la ligne qui irait de la Défense jusqu'à Cergy-Pontoise, soit pas d'aérotrain du tout. En définitive, il y a une demi-heure, le district a voté par 33 voix contre 11. Il a confirmé la création de cette ligne. Le choix était long et difficile. Claude Carré et Pierre Moscovitch vous expliquent pourquoi. ...250 km/h. Depuis 6 ans, cet aérotrain expérimental fait des allers et retours solitaires près d'Orléans. Moyen de transport ultra-moderne, il est maintenant parfaitement au point. Reste une question, va-t-on bientôt construire une première ligne commerciale? Le gouvernement a dit oui. L'aérotrain est une invention française, il faut donc l'exploiter d'abord chez nous pour notre confort et pour la faire connaître à l'étranger et la revendre avec bénéfice pour la France. Une ligne sera donc créée près de Paris, Cergy-Pontoise, La Défense. Mais après la décision du gouvernement, le district parisien, qui s'occupe de l'aménagement de toute la région parisienne, doit donner son accord. L'avenir de l'aérotrain se joue donc ici, dans cette salle, au conseil d'administration du district. Son action n'est pas liée. Des conseillers sont allés à Orléans visiter l'aérotrain et écouter les explications de son inventeur, l'ingénieur Bertin. Mais ils étaient mécontents. Pourquoi, disaient-ils, la région parisienne seule devrait-elle financer un aérotrain dont la promotion concerne toute la France, alors que cette ligne ne correspond pas aux besoins des usagers de la banlieue? Le gouvernement les a rassurés sur ce point. Le district ne supportera pas seul le financement de la ligne. Mais les élus sont aussi partagés. Ils avaient d'autres projets. Ceux du sud ou de l'est sont contre l'aérotrain, ceux de l'ouest pour. Regardez ces cartes. Au départ, le district préférait une ligne à l'est entre le futur aéroport de Roissy et Orly. Coût 600 millions de francs. C'était trop cher pour l'État et le 29 juillet dernier, le gouvernement choisissait à l'ouest la ligne Cergy-Pontoise-La Défense. Cette ligne sera construite où il n'y aura aucun aérotrain. Le choix donc est difficile. Voici cette ligne. Coût 317 millions de francs. Mais dans cette région, le district avait déjà prévu une nouvelle voie ferrée qui, dit-il, dessert mieux cette banlieue qu'un aérotrain rapide qui ne s'arrête pas en chemin. De plus, cette voie ferrée ne coûtait que 133 millions de francs au district, argent qui sera reversé à l'aérotrain. Un aérotrain qui ne pourra fonctionner qu'en 1976, un an plus tard que le train. Mais l'aérotrain sera une chance pour la promotion des villes nouvelles. Cet aérotrain sera le frère de celui-ci, filmé pour la première fois à Gomès-la-Ville. Moteur linéaire, 200 km à l'heure en croisière. Quelles seront les répercussions de cette nouvelle ligne pour les usagers? Les opinions des élus, là aussi, sont divisées. Nous sommes inquiets sur le plan d'urbanisme parce que nous pensons que Cergy-Pontoise, qui est une ville nouvelle, risque de devenir, si elle est reliée par un moyen très rapide à la Défense, la ville dortoir de la Défense. Que les emplois soient à la Défense et que l'on fasse en réalité le contre-schéma directeur de la région parisienne. Mais nous sommes inquiets également en ce qui concerne nos propres finances, car en effet, l'exploitation de cet aérotrain sera coûteuse. Il n'est pas évident qu'il puisse absorber le nombre de voyageurs qu'il est nécessaire d'absorber, et nous risquons peut-être à terme, et à moyen terme, de nous voir contraints de financer, en plus de l'aérotrain, une voie de chemin de fer classique. Nous ne voulons pas que les populations de la région, par le truchement des impôts, payent la casse d'une opération qui est intéressante nationalement, mais qui l'est beaucoup moins pour la région parisienne. Il faut un aérotrain, il vaut mieux l'aérotrain Cergy-Pontoise que de pas d'aérotrain du tout, d'autant plus que l'aérotrain de Cergy-Pontoise est extrêmement important. Il s'agit en effet d'une ville nouvelle, il faut lui donner des moyens de transport moderne. La ligne qui lierait Cergy à la Défense, alors que la Défense est maintenant saturée au point de vue bureau, aurait pour but, par un système de bipolarisation, d'apporter à Cergy-Pontoise des emplois nouveaux et par conséquent, tant au point de vue transport qu'au point de vue de la création d'emplois nouveaux qui est la vocation du district, la ligne de Cergy-Pontoise répond à ces conditions. C'est la raison. Le TGV est parti lentement de La Rochelle pour Beaufort où il va trouver ses moteurs. Le TGV, je crois que ça veut dire le train à grande vitesse, le plus rapide du monde. Avec le TGV, le turbotrain à grande vitesse, la SNCF espère franchir une nouvelle étape dans l'augmentation de la vitesse de pointe tout en améliorant confort et sécurité. Une partie de la rame prototype vient d'être réalisée à La Rochelle dans une usine de matériel ferroviaire. Ces grandes vitesses nécessitent des conceptions spéciales. L'emploi d'acier à haute limite élastique a permis de réduire le poids, 25 tonnes par voiture contre 45 à une voiture normale. L'insonorisation a été poussée au maximum, le conditionnement d'air est du type aviation. Aux trois voitures construites à La Rochelle vont s'en ajouter deux autres en cours de réalisation à Beaufort. La rame prototype comportera donc cinq voitures, dont deux motrices pilotes aux extrémités, une voiture de première avec 34 places, une voiture de deuxième classe et une voiture laboratoire. Une particularité du TGV, ses bogies sont moteurs. Le courant électrique produit par les deux motrices est envoyé dans les moteurs placés dans les six bogies de la rame pour constituer une sorte de chenille. Les premiers essais de vitesse sont prévus entre Mulhouse et Beaufort. Le TGV doit rapidement atteindre les 200 à l'heure dans un premier temps pour s'attaquer ensuite aux 300 km/h. 300 km/h, c'est l'ambition de la SNCF qui veut en faire le train le plus rapide du monde pour détrôner le Tokaido et ses 210 km à l'heure. À 280. Le turbotrain résulte du mariage de deux techniques très différentes, la technique ferroviaire et la technique aéronautique, en vue de créer un type de véhicule capable de circuler à grande vitesse sur des voies constituées d'éléments classiques. Les éléments nouveaux de cet engin, c'est évidemment la turbine à gaz. Pourquoi la turbine à gaz ? Parce qu'il faut, sur cet engin, avoir beaucoup de puissance pour aller vite. Mais en même temps, il faut alléger le véhicule, parce que ce qui importe pour aller vite, c'est non pas la puissance seule, mais le rapport de la puissance à la masse, c'est-à-dire la puissance massique. La sensation de vitesse ressentie par le voyageur dépend non seulement de l'impression visuelle, mais des impressions de confort qui sont données par la suspension et l'insonorisation. Vitesse, oui, en augmentant la sécurité. Alors, il y a un exemple mondial qui est très important actuellement, c'est celui d'Hokkaido. Sur le Tokaido, on roule depuis 8 ans à peu près, je crois, sans le moindre accident. Le niveau de bruit de ce véhicule, aux vitesses supérieures à 200 km à l'heure, est inférieur de 5 à 6 décibels au niveau de bruit mesuré au même point pour un train classique. Monsieur le chef de gare, à combien le turbotrain traverse-t-il votre gare ? En général, dans les 300 km à l'heure. Il y a moins de déplacements d'air que, par exemple, un train avec 20 pièces à 140 à l'heure. Que la vitesse doit d'abord être praticable sans augmentation des sensations du voyageur, mais elle doit également, pour le voyageur, praticable sans augmentation de la somme qu'il doit débourser. Ces rames seront lancées à quelle époque et sur quel trajet ? Je peux parler des projets qui sont prévus. Il s'agit surtout de Paris-Lyon. La mise en service des turbotrains permettrait d'abaisser le parcours Paris-Lyon, le temps de parcours à 2 heures et d'augmenter la fréquence également considérablement de l'ordre de 30 allers-retours par jour. Écoutez, comme vous l'avez vu, nous venons de faire un nouvel essai qui nous a permis d'atteindre très facilement la vitesse de 300 km à l'heure et de la dépasser légèrement puisque nous avons atteint 305 km à l'heure. Vous avez pu vous rendre compte qu'à cette vitesse, le comportement de la rame et la suspension de la cabine, la tenue, la stabilité de la cabine était tout à fait satisfaisante et que la circulation à de telles vitesses pour notre turbotrain expérimental est quelque chose qui commence à devenir de pratique assez courante. Monsieur le ministre, quelles sont vos impressions ? Eh bien, j'ai été très frappé de l'impression de vitesse que l'on a dans la cabine. J'ai été aussi très frappé de que la suspension, la qualité de confort, soit du même ordre de grandeur que celle qu'on peut avoir dans le Mistral ou dans le Capitole, à des vitesses très inférieures. Et par conséquent, du fait que j'ai l'impression que pourvu que la voie soit adaptée, eh bien, on est déjà presque dans l'ère d'exploitation industrielle de ces très grandes vitesses. Ceci, ça a été très frappant pour moi. Et pour vous, c'est un enjeu de l'avenir. C'est un signe de la vitalité de la technique française, car cette technique n'a aucun équivalent dans le monde à l'heure actuelle. Et c'est extrêmement encourageant, non seulement pour l'avenir des transports, mais aussi pour l'avenir des exportations françaises. Monsieur le ministre, vous venez d'effectuer un parcours à bord du TGV, du turbotrain, en compagnie d'ailleurs du secrétaire américain au transport. Quelles sont vos premières impressions de passager ? Ces premières impressions sont évidemment excellentes parce que c'est assez impressionnant d'aller à 300 à l'heure et de ne pas s'en apercevoir. La rapidité, la souplesse, le confort sont les caractéristiques du turbotrain et je pense que ce sont les réactions également de mon collègue, le ministre des Transports américain. En tant que nouveau ministre des Transports français, le turbotrain est une arme d'avenir. Dans quelle mesure va-t-il entrer rapidement en service, en particulier pour décongestionner Bordeaux ? Ah, vous savez, j'ai annoncé l'autre jour à la foire de Périgueux que le turbotrain serait en service l'été prochain entre Bordeaux et Lyon. Je crois que c'est une grande nouvelle pour Périgueux, pour Bordeaux et pour Lyon. Monsieur le ministre, quelles ont été vos premières constatations dans ce nouveau prototype français de train ? I'm very impressed by the train. There's nothing like it in America. Très impressionné, il n'y a pas d'équivalent en Amérique. And we hope to see trains like this go into service in our high density areas. Et j'espère voir des trains de ce genre en service dans les régions à grand trafic américaines. Mais est-ce que les États-Unis seraient intéressés éventuellement par le turbotrain français? Would the United States be interested in buying some French turbotrains? Yes, we would be. Oui, ça serait intéressant. Très bien. Thank you, Mr. Et puis, depuis hier soir, nouvelle spectaculaire victime de l'austérité, l'aérotrain qui devait relier la Défense à Cergy-Pontoise, le projet a tout simplement été abandonné. L'aérotrain Cergy-La Défense ne sera pas construit, le projet est abandonné, nouvelle victime de la politique d'austérité du gouvernement. La décision de construire une ligne rapide entre la ville nouvelle de Pontoise, Cergy et le quartier de la Défense avait été prise en 1971. C'est la technique du coussin d'air appliquée aux véhicules de transport en commun et expérimentée à Orléans qui avait été retenue pour les 26 km du projet. Deux raisons majeures à ce choix, assurer une liaison pratique avec une ville nouvelle, pôle d'attraction de la région parisienne, et présenter aux étrangers, plusieurs pays sont intéressés par le système, une ligne dans des conditions réelles d'exploitation. Très vite, pourtant, des difficultés étaient apparues, surtout dans la mise au point du mode de propulsion choisi, le moteur électrique linéaire. De conception révolutionnaire, le moteur linéaire ne pouvait être prêt avant 5 ans. Difficulté aussi avec les riverains, notamment dans les Yvelines, qui se plaignaient de voir passer un aérotrain coupant les communes en deux sans pour autant en bénéficier. Ces difficultés auront donc eu raison d'un projet contesté, retardé, et dont le coût suivait les augmentations de tous ordres, on l'estimait déjà cette année à 600 millions de francs. Il reste à l'ingénieur Bertin, père de l'aérotrain et du coussin d'air, à trouver d'autres applications pour son système, en France et hors des frontières. Dès à présent, il s'y emploie, convaincu, dit-il, de défendre une technique d'avenir. C'est un instrument qui circule à très grande vitesse mais transporte un nombre limité de passagers. Ce n'est donc pas un moyen de transport idéal sur des zones de banlieue. Et son établissement sur la ligne de Cergy-Pontoise à La Défense ne correspondait pas à ce qui est nécessaire pour cette zone, quitte à transporter un très grand nombre de passagers avec une très grande fréquence et avec des arrêts nombreux. J'imagine au contraire que sur une ligne comme Roissy-Orly, contournant la périphérie parisienne, l'aérotrain pourrait correspondre éventuellement à une justification normale. Ce qui caractérise l'aérotrain, c'est la sustentation sur coussin d'air. C'est-à-dire que le véhicule n'est pas porté par des roues reposant sur des rails, mais qu'il émet des jets d'air qui le font en quelque sorte flotter au-dessus de son rail. L'aérotrain que nous voyons ici à l'essai est le modèle pour longue distance. Il est propulsé par un réacteur et il a déjà dépassé 400 km à l'heure. L'aérotrain qui devait assurer la liaison Cergy-Pontoise-La Défense, soit une vingtaine de kilomètres, devait lui être propulsé par un moteur électrique linéaire, plus propre et plus silencieux. Mais la réalisation de ce moteur a posé de nombreux problèmes techniques. C'est ainsi que sa construction, d'abord confiée à la firme Merlin-Gérin, avait ensuite été confiée à la firme Jemont-Schneider. Après l'abandon de la ligne Cergy-Pontoise-La Défense, le problème se pose de savoir si l'on va continuer à développer cette technique, mais pour d'autres liaisons, ou bien si on devra y renoncer. Jean Bertin avait déposé en 20 ans le total de 3000 brevets d'invention. Son imagination débordante touchait la dissipation du brouillard sur les aéroports, les feuilleuses d'artichauts, les silencieux pour avions. Mais le procédé qu'il avait fait connaître au grand public reposait sur l'utilisation du coussin d'air. L'ancien responsable des réacteurs de la SNECMA pensait tout simplement avoir découvert la technique qui succéderait à la roue plusieurs fois millénaire. Son principe, faire reposer le poids de l'engin de transport sur l'ensemble de la surface par des jets d'air assurant une portance parfaite. Il n'en restait plus qu'à assurer la mobilité de l'appareil par hélice ou turbine. Le système Bertin du coussin d'air connaît un certain succès sur mer, c'est le naviplane ou hovercraft. Par contre, malgré des années d'essai, malgré un encouragement de l'aménagement du territoire à l'origine, l'aérotrain, système urbain ou interville guidé par un rail de béton, ne put dépasser le stade du prototype. Un temps prévu sur le parcours La Défense-Cergy-Pontoise, il fut abandonné par l'État l'an dernier. Père du projet, cerveau qui vivait avec ses inventions, Jean Bertin ne s'était jamais vraiment remis de ce coup terrible. Il laissera le souvenir rare d'un technicien qui essayait de convaincre par le cœur. Une question est posée à présent. L'aérotrain lui survivra-t-il ou rejoindra-t-il, comme d'autres innovations françaises au cours des temps, le musée des occasions perdues. Le Conseil d'État se prononcera demain sur l'utilité publique du projet de ligne à grande vitesse Paris-Lyon, le TGV. Sans attendre son avis, dont il y a tout lieu de penser qu'il sera positif, la SNCF vient de passer la première commande du matériel roulant destiné à l'équipement de la nouvelle ligne. Chaque rame comportera deux motrices, encadrant deux voitures de première et deuxième classe, offrant au total 382 places assises. Vitesse de pointe, 300 km à l'heure, mais l'allure de croisière sera limitée dans un premier temps à 260 km à l'heure. Une performance qui mettra dans 6 ans Lyon à 2 heures et Dijon à 1h37 de Paris. L'utilité du projet est vivement contestée par des associations pour la protection de la nature. Leurs critiques sont réfutées par la SNCF qui affirme que l'emprise d'une voie ferrée est très étroite et consomme donc peu d'hectares. Le TGV traversera la Bourgogne sur 265 km et immobilisera 1600 hectares dans l'Yonne, en Côte d'Or et en Saône-et-Loire. Je ne suis pas né dans une gare. J'aurais pu y naître puisque mon père était chef de gare lorsque je suis né. Et j'ai connu dans mon enfance le climat, l'atmosphère, des trains à l'arrivée, des trains en partance, ce remue-ménage, des hommes, ceux qui travaillaient, les voyageurs. C'est une poésie, vous venez de l'évoquer, qui me marque encore. Bonsoir et bienvenue sur Le Média pour votre rendez-vous d'actu quotidien. Ce soir, Théophile Coimoreau va vous parler d'anonymat sur Internet, Cédric Durand d'Europe, Mathieu Lépine des accidents du travail qui augmentent surtout dans les métiers de service à la personne. Hier soir, j'ai ouvert l'autre 20h sur la Ligue du LOL, l'un des débats que soulève en apparence cette polémique aux conséquences toujours plus importantes, c'est la question de l'anonymat qu'il faudrait imposer sur Internet, un projet politique auquel réfléchissent sérieusement Emmanuel Macron. C'est une mesure dangereuse selon Théophile Coimoreau, comme il vous l'explique dans son Dixit. Regardez. Quand il se rase le matin dans sa spacieuse salle de bain de l'Élysée, Emmanuel Macron rêve-t-il d'une France où la liberté d'expression sur Internet serait, sinon muselée, du moins très, très, très verrouillée? Pour ma part, je pense que oui, et j'ai quelques raisons de penser ainsi. Les débuts d'année se suivent et se ressemblent pour Emmanuel Macron, du moins si l'on s'arrête à ses obsessions cybernétiques. En janvier 2018, à l'occasion de ses vœux à la presse, il annonçait un projet de loi censé lutter contre la propagation des fausses nouvelles ou fake news ou infox via un contrôle renforcé des plateformes Internet. C'est pourquoi j'ai décidé que nous allions faire évoluer notre dispositif juridique pour protéger la vie démocratique de ces fausses nouvelles. Un texte de loi sera prochainement déposé à ce sujet. En période électorale, sur les plateformes Internet, les contenus n'auront plus tout à fait les mêmes règles. Comme vous le savez, propager puissamment une fausse nouvelle sur les réseaux sociaux ne requiert aujourd'hui que quelques dizaines de milliers d'euros et peut se faire dans l'anonymat complet. Les plateformes se verront ainsi imposer des obligations de transparence accrues sur tous les contenus sponsorisés afin de rendre public l'identité des annonceurs et de ceux qui les contrôlent, mais aussi de limiter les montants consacrés à ces contenus. En cas de propagation d'une fausse nouvelle, il sera possible de saisir le juge à travers une nouvelle action en référé permettant, le cas échéant, de supprimer le contenu mis en cause, de déréférencer le site, de fermer le compte utilisateur concerné, voire de bloquer l'accès au site Internet. Bien entendu, des critiques se sont très vite fait entendre. Pourquoi créer un dispositif spécial alors que la loi réprime la diffusion de fausses nouvelles depuis 1881 ? Pourquoi passer par une procédure de référé qui exige du juge qu'il se détermine en 48 heures dans des affaires pourtant complexes par définition ? Pourquoi cette obsession pour les périodes préélectorales ? En dépit de tout, cette loi a été adoptée en novembre dernier. Désormais, Emmanuel Macron a un autre combat, en finir avec l'anonymat sur les plateformes Internet, où, si cela ne dépendait que de lui, on ne s'exprimerait plus qu'à visage découvert. Et il profite de son fameux grand débat pour faire avancer son combat. L'interdiction de l'anonymat permettrait, selon lui, de faire avancer le chantier de la démocratie délibérative. Et donc ce que nous devons réussir à faire d'abord, c'est en quelque sorte une forme d'hygiène démocratique du statut de l'information. Je crois qu'on doit aller vers une levée progressive de toute forme d'anonymat, et je crois qu'on doit aller vers des processus où on sait distinguer quand même le vrai du faux, et où on doit savoir d'où les gens parlent et pourquoi ils disent des choses. La levée de l'anonymat, du grand méchant anonymat, serait aussi la solution magique pour mettre fin au cyberharcèlement et au harcèlement scolaire. On se bat contre et on va continuer sans relâche. On va continuer la formation des maîtres pour faire que, évidemment, les autres élèves qui font ça soient repérés et sanctionnés. Et on va continuer à travailler avec les plateformes Internet pour sanctionner ce qui est fait sur ces plateformes. Moi, je ne veux plus de l'anonymat sur les plateformes Internet et je veux une vraie responsabilité des parents et l'interdiction. C'est le seul moyen. Dans les faits, il est déjà assez facile aujourd'hui, pour un juge par exemple, de remonter à la personne qui a publié quelque chose sur Internet. C'est ce qu'a expliqué récemment dans l'émission L'Atelier des médias sur RFI, Grégoire Pouget, président de l'association Nothing to Hide, qui aide des journalistes et militants à justement protéger l'anonymat de leurs sources et de leurs données. Écoutons un extrait. Déjà, l'anonymat sur Internet, c'est très compliqué à obtenir. Mais en deux mots, l'anonymat, c'est le fait de pouvoir publier quelque chose sur Internet sans qu'on n'ait aucun moyen d'identifier la personne qui l'a publié. C'est de le faire sous une identité qu'on ne peut absolument pas identifier. Ça, c'est très très compliqué. Ce qui existe beaucoup beaucoup plus sur Internet, c'est ce qu'on appelle le pseudonymat. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je publie quelque chose, mais je vais pas le faire sous mon nom Grégoire Pouget, je vais le faire sous un pseudo. Mais mon pseudo, c'est très facile de faire la correspondance entre mon pseudo et mon vrai nom. Et le véritable anonymat, c'est-à-dire publier quelque chose sous un pseudonyme, sous un faux nom, sous quelque chose qui n'est pas mon vrai nom, et faire en sorte d'identifier que c'est moi, Grégoire Pouget, qui l'ai publié, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a beaucoup de couches techniques qui permettent de remonter jusqu'à la personne qui a publié quelque chose sur Internet. Emmanuel Macron voudrait donc lutter contre le pseudonymat sur Internet. Et il y a de quoi être angoissé. Pourquoi ? Parce que c'est exactement ce que le régime chinois, considéré sous nos cieux comme le cœur de l'empire du mal illibéral, a essayé et réussi ces dernières années. Rappelons qu'en Chine, Facebook, Twitter ou YouTube n'ont pas droit de citer et sont remplacés par des réseaux sociaux 100% chinois. Et sur l'un des plus gros, Weibo, les pseudonymes ont été bannis en 2011. Et en 2016, le Parlement chinois a voté une loi qui consacre la norme de l'identité réelle et l'impose aux rares plateformes étrangères présentes dans le pays. Est-ce bien là le modèle dont Emmanuel Macron rêve en se rasant le matin ? Pour assurer la stabilité du régime, Xi Jinping veut être le premier au monde à créer un système généralisé de contrôle de la population capable de régir tous les aspects de la vie des citoyens. Une nouvelle technologie de reconnaissance faciale met instantanément un nom et des informations personnelles sur un visage, même en mouvement. Les Chinois sont donc officiellement tous fichés par un logiciel policier. Bien entendu, je vois d'ici ceux qui crient à l'exagération, à la manipulation de fantasmes, voire à la théorie du complot. Je les entends déjà dire. Nous sommes tout de même en démocratie. Mais personne ne risque quoi que ce soit en exprimant son opinion en France, voyons. L'anonymat, ça a du sens dans les dictatures. Mais chez nous, on peut s'en passer. Ouais. D'abord, il faut se souvenir que des députés LR ont tenté, en vain pour le moment, d'introduire dans la récente loi anti-casseurs des dispositions permettant de recourir à la reconnaissance faciale à la chinoise. Christian Estrosi, maire de Nice, est un avocat zélé de ce type de technologie. Ce serait tellement facile pour les forces de sécurité, avec une reconnaissance faciale, biométrique, de pouvoir immédiatement identifier où ils se situent. Sauf pour qu'ils les sont interpeller. La plupart du temps masqués, ou des lunettes, ou un masque sur le bas du visage. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, l'évolution des technologies, que je vais d'ailleurs expérimenter... Vous allez faire à Nice ? À l'occasion du carnaval, à partir du 15 février prochain. Reconnaissance faciale. À Nice, oui, nous allons faire une expérimentation. À partir de gens qui auront donné leur feu vert pour faire partie de cette expérimentation, nous avons déjà fait la démonstration scientifique que même avec des lunettes et même avec un masque, aujourd'hui, on est capable de pouvoir démasquer. Et pour revenir plus directement à notre sujet, il faut aussi se souvenir que des salariés d'Amazon ont été soit licenciés, soit menacés de licenciement pour avoir publié des messages de soutien aux Gilets jaunes sur les réseaux sociaux. Au sein de l'éducation nationale, quelques enseignants ont été convoqués à leur rectorat ces derniers mois pour avoir tenu sur les réseaux sociaux des propos favorables aux Gilets jaunes ou franchement hostiles à Emmanuel Macron. Forcément, un Internet français qui bannirait les pseudonymes serait un espace où l'autocensure aurait un règne absolutiste. Et c'est peut-être là le but recherché. Depuis quelques années sur Facebook et depuis quelques mois sur son compte Twitter, à la manière de David Dufresne, Mathieu Lépine signale les accidentés du travail au ministère du Travail. Il est venu nous parler de ce travail de recension, dramatique mais nécessaire pour mieux faire résonner ce sujet de la vie professionnelle qui peut faire gravement mal, voire tuer, dans l'espace public. C'est son facecam. Regardez. Bonjour, je m'appelle Mathieu Lépine, j'ai 32 ans, je suis enseignant et je recense les accidents du travail graves ou mortels. On peut retrouver donc ces informations sur la page Facebook et sur le compte Twitter en tapant « accident du travail, silence des ouvriers meurt ». En fait, c'est une phrase d'Emmanuel Macron qu'il avait prononcée alors qu'il n'était pas encore président de la République qui m'a fait me pencher un petit peu sur les accidents du travail. Il avait... déclaré que c'était l'entrepreneur qui, dans l'entreprise, était celui qui prenait le plus de risques par rapport aux salariés. Ça avait fait parler à l'époque et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me renseigner sur les accidents du travail et que j'ai commencé à faire ce recensement. Donc, je l'ai d'abord fait sur mon blog personnel et puis ensuite, j'ai commencé à créer d'abord une page Facebook il y a à peu près 2 ans. puis un compte Twitter il y a un petit peu plus d'un mois. Ma méthode de recherche, elle est relativement simple. J'ai une dizaine de mots-clés que je vais taper régulièrement, plusieurs fois par jour, sur des moteurs de recherche ou sur des réseaux sociaux. Et puis ben, ensuite, je partage les informations que je trouve. Donc c'est une méthode qui a ses limites, puisqu'il y a tout un pan des accidents du travail auxquels je n'ai absolument pas, que je ne vois absolument pas, notamment toute la partie des accidents du travail liés au service à la personne, qui représente aujourd'hui, et contrairement à ce qu'on peut penser, le secteur le plus touché par les accidents du travail. Les informations que je trouve, ça va essentiellement être sur des médias locaux ou régionaux. Rarement, les médias nationaux, quand même, vont s'intéresser à ce type de questions. Et dans les médias donc locaux, ça va être une petite phrase, ça va rarement être quand même une recherche approfondie pour expliquer les causes. Souvent même, on nous explique que la personne est grièvement blessée, mais derrière, on n'a pas de retour pour savoir est-ce que la personne est toujours en vie ou pas. Et donc, bah, je maintiens le fait que dans les médias, la place des accidents du travail est quand même relativement absente, mais même plus largement dans le débat public, même les partis politiques s'y intéressent quand même rarement. Il n'y a que les syndicats, à la limite, enfin, c'est même pas la limite, il n'y a que les syndicats qui, dans les entreprises, s'intéressent à cette question-là. Plus de 500 morts quand même par an au travail, ça reste un chiffre énorme. Et surtout, derrière ces chiffres, il y a des vies brisées, il y a derrière ces 112 accidents graves par jour, bah, une personne qui demain se retrouvera handicapée de par le fait de son travail. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles formes de travail liées à l'uberisation de la société qui amènent quand même à une accentuation dans certains secteurs des accidents graves. Je reprends l'exemple de cet ouvrier auto-entrepreneur de 68 ans qui est mort il y a quelques semaines à Versailles, il me semble, ou plus emblématique encore, celui de Frank Page, ce jeune livreur Uber Eats, lui renversé à Pessac, dans la banlieue de Bordeaux, alors qu'il était en course et qu'il travaillait. C'est malheureux qu'il faille attendre justement qu'il y ait un drame comme celui-là pour que les médias ou l'opinion publique se penchent, on va dire, sur cette question. Si j'avais interpellé aujourd'hui Muriel Pénicaud, je l'interpellerais sur la mort de Frank Page, donc ce jeune livreur Uber Eats de 18 ans. J'aimerais savoir si elle a contacté sa famille et surtout si ce dramatique accident a fait prendre conscience à ce gouvernement que l'uberisation du travail était un fléau. Quand on voit ces dernières années ce qui a été fait avec les CHSCT, quand on voit aujourd'hui, l'inspection du travail, c'est pareil, ces dernières années qui commencent à être détricotées. J'avoue que je suis pas forcément, on va dire, très serein sur ce que ce projet de loi va donner, ce sur quoi il va aboutir. À la fin de chaque semaine, je fais une sorte de bilan un peu macabre, on va dire, de la semaine pour voir combien de personnes sont décédées au travail, d'après mon recensement, et dans quel secteur se trouvaient ces personnes. Et souvent, on me demande, est-ce que ce sont des hommes ou est-ce que ce sont des femmes? Et pour l'instant, 100%, il s'avère que ce sont des hommes. Ce qui ne veut absolument pas dire que les femmes ne sont pas touchées par les accidents du travail, bien au contraire, mais on va dire qu'historiquement, dans la tête des gens, l'accident du travail est tout de suite lié au monde ouvrier, ce qui est encore une fois pas totalement faux, mais on en oublie en effet tout un pan des secteurs d'activité et on oublie totalement de se pencher sur, comme on l'a dit tout à l'heure, le secteur des services à la personne, où là, en effet, ce sont essentiellement des femmes qui sont touchées. L'infirmière qui se blesse en relevant une personne âgée, j'ai pas l'impression que ça intéresse malheureusement grand monde. Et pourtant, aujourd'hui, c'est encore une fois le secteur le plus représenté, celui où le plus grand nombre de personnes est touché par des accidents du travail. Vous avez sans doute entendu parler du traité d'Aix-la-Chapelle qui a suscité beaucoup d'interrogations et de levées de boucliers. Notre chroniqueur, Cédric Durand, dissipe les doutes et nous explique les vicissitudes et les orientations de ce traité qui, une chose est sûre selon lui, ne va pas dans le sens d'une Europe plus juste. Regardez. Le 22 janvier dernier, Angela Merkel et Emmanuel Macron ont signé le traité d'Aix-la-Chapelle sur la coopération et l'intégration franco-allemande. Alors que les deux dirigeants sont très affaiblis et que le Brexit tourne à la farce tragicomique, cette initiative tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Elle pose cependant la question du temps long de l'intégration européenne. Fort en symbole, mais faible en substance. Résumé de la sorte, le traité signé à Aix-la-Chapelle par Angela Merkel et Emmanuel Macron serait juste et faux en même temps. Il est parfaitement exact que dans l'immédiat, le traité ne change rien au statu quo. Les dispositions adoptées sont des déclarations d'intention sans aucune répercussion. Toutes les mesures mises en œuvre le seront dans un cadre juridique qui est celui des constitutions nationales et du droit européen déjà existant. Il est ainsi ridicule d'affirmer, comme le fait Marine Le Pen, qu'Emmanuel Macron est en train de vendre notre pays. Pourtant, ce traité n'est pas une simple gesticulation sans conséquence. En politique, les symboles sont de la substance. Et à cette aune, le texte signé par Merkel et Macron propose une vision inquiétante du temps long de l'intégration européenne. L'orientation que définit le traité d'Aix-la-Chapelle peut être résumée en trois grands points. Le premier point, c'est la centralité de l'axe franco-allemand en Europe. Le principal message qu'envoie le grand cérémonial déployé par Angela Merkel et Emmanuel Macron, c'est que toute avancée de l'intégration européenne exige, au préalable, un accord intergouvernemental franco-allemand. Le projet européen n'est rien sans l'engagement conjoint des gouvernements des deux pays. L'insistance sur cette relation bilatérale privilégiée expose au grand jour la structure centre-périphérie, foncièrement déséquilibrée, sur laquelle repose l'intégration européenne. Les Lettons, les Grecs, les Portugais, les Espagnols, les Suédois et tous les autres sont avertis. Leur voix en Europe est secondaire. Mais ce n'est pas tout. Du fait du poids économique inégal entre les deux pays, cette prééminence du couple franco-allemand signifie que le gouvernement français concède une forme de leadership à l'Allemagne. La France s'interdit de contrebalancer la puissance de son voisin par d'autres rapprochements. Elle consacre ainsi la centralité du modèle économique et social allemand dans le projet européen. Le second point marque une constante dans la vision d'Emmanuel Macron. Il s'agit pour lui de construire une Europe de la souveraineté, une Europe puissance. Ainsi, le chapitre sur lequel le traité d'Aix-la-Chapelle est le plus développé, c'est celui de la défense et de la sécurité. Les deux États s'engagent à approfondir leur coopération en matière de politique étrangère, de défense, de sécurité extérieure et intérieure. La direction indiquée est bien celle d'une intégration policière, militaire et diplomatique accrue de l'Union européenne. Le troisième point s'inscrit dans la droite ligne du néolibéralisme européen. Le traité envisage la formation d'une zone économique franco-allemande dotée de règles communes. Il s'agit d'avancer dans l'harmonisation juridique entre les deux pays et d'améliorer la compétitivité des économies. En clair, c'est davantage de discipline concurrentielle et d'austérité. Et aucune politique industrielle, écologique ou sociale n'est prévue pour venir contrebalancer cette intégration marchande. Personnellement, je doute très fortement que le cadre européen actuel puisse un jour servir de base à un véritable rapprochement entre les peuples, ou bien de faire avancer les causes de la transition écologique et de la justice sociale. Mais c'est une question qui reste en débat au sein de la gauche. En revanche, ce qui est certain, c'est que les propositions de réforme, aussi limitées ou discutables soient-elles, sont aujourd'hui superbement ignorées par Emmanuel Macron, Angela Merkel ou même la Commission européenne. Silence radio face au manifeste pour la démocratisation de l'Europe initié par Thomas Piketty et plus d'une centaine d'intellectuels. Pas davantage d'écho pour le vieux projet d'une assurance chômage européenne remise au goût du jour par les études d'économistes et d'administration en France, en Allemagne ou en Italie. Ce serait pourtant le moyen le plus simple de jeter les bases d'un système de droits sociaux sur le vieux continent. L'intégration que prépare le traité d'Aix-la-Chapelle, c'est donc une Europe toujours plus inégale, structurée autour de l'hégémon allemand. Son horizon, c'est d'ajouter à la discipline de la concurrence libre et non faussée la mise en partage de la défense et de la police. Par construction, c'est donc un projet libéral et autoritaire, car il met ces questions de compétitivité et de sécurité au sommet de la hiérarchie politique. Ce qui vient compléter l'Europe de la finance et des marchands, c'est l'Europe des policiers et des soldats, pas celle de la démocratie, des droits sociaux ou de la justice climatique. Merci d'avoir regardé cette autre 20 heures. C'est déjà la fin de cette édition. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette émission et celle que vous aimez sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi devenir sociaux ou nous faire un don. Vos contributions financières nous permettent de continuer à faire vivre le média. Thank you. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Je vous remercie de nous recevoir dans votre bureau de l'Assemblée nationale. Oui. Hérodote.net a ouvert, décidé d'ouvrir une série d'entretiens avec des personnalités françaises sur les rapports entre l'histoire et l'actualité. Et nous avons pensé à vous, connaissant votre passion pour l'histoire et vos engagements politiques, pour débuter cette série d'entretiens. Merci. Aujourd'hui, en janvier 2019, la France est agitée par la rébellion des Gilets jaunes. Alors je voudrais vous interroger sur les débuts de la Révolution française, donc. Classiquement, on l'a fait débuter soit à l'ouverture des États généraux le 5 mai 1789 ou au 14 juillet 1789. Allons plus loin, reculons dans le temps. On peut parler du 7 juin 1788, je crois que c'est la journée des Tuiles, à Grenoble. Alors peut-être parce que c'est Grenoble, les livres d'histoire en parlent moins que de tout ce qui se passe à Paris. Et pourtant, cette journée est très importante. Les habitants de la ville, depuis les toits des maisons, lancent des tuiles sur les soldats qui avaient mission d'arrêter les parlementaires. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire débuter la Révolution ce jour-là ? On peut, il faut bien trouver un point de départ. Celui-ci est très hautement significatif parce qu'il peut nous apprendre quelque chose. L'intérêt de l'histoire, dans les moments où on est confronté à des événements qui nous paraissent sans précédent, c'est justement qu'en repérant ceux qui pourraient être des précédents, on aperçoit des caractéristiques qu'on retrouve dans le présent et on peut se guider. Dans la journée des Tuiles, ce qui est intéressant, c'est que le Parlement du Dauphiné est convoqué à la demande du roi, parce que c'est comme ça à l'époque, pour voter un nouveau droit de timbre, et, c'est-à-dire d'impôt, et différentes autres choses. Et les gens qui sont là disent « nous, on ne votera pas ça, on ne veut rien savoir ». Si on nous y oblige, alors on se considérera comme délié de toute obéissance à notre souverain. Alors c'est énorme, quoi. On est en pleine monarchie absolue, quand même. Et des gens qui décident qu'ils sont déliés de devoir d'obéissance, ce fait est intéressant. Parce que c'est une rupture, on sait que le pays est capable de cette rupture. C'est ça qu'on aperçoit dans le moment historique. Alors, après, il y a un malentendu, évidemment. Les gens qui sont là ne sont pas des démocrates très avancés. Ils défendent aussi les privilèges. Il faut penser aux magistrats, aux des parlementaires. Qui est un sujet qui est en débat depuis Louis XV. Ces parlements qui ne veulent rien céder à l'intérêt général, dit le roi. Donc c'est une espèce de confrontation entre la hiérarchie féodale et la bourgeoisie qui est naissante et qui est là. Bon. Donc le fait le plus important, bon, ils se rebellent, mais c'est qu'ils disent, si vous nous obligez, on n'obéit plus. C'est un peu comme quand on va trouver dans certains événements, comme celui qu'on est en train de vivre, qu'on entend des gens crier Macron démission, c'est un signal, parce que ce n'est pas banal, c'est pas fréquent dans l'histoire de France. Les Français sont beaucoup plus respectueux des hiérarchies qu'il y paraît, y compris lorsqu'ils sont en état d'insurrection. Ils sont comme ça. Voyez-vous, quand Louis XVI essaye de s'évader, de fuir et de partir à Varennes, on le ramène. Lafayette dit le premier qui crie, ça va chauffer pour lui. Donc on ne jette pas de pierre et on ne crie pas de mots, mais les gens ne crient rien. Or, ils sont des milliers, c'est pas là. Ils auraient pu très bien se mettre à crier, à bas le roi, je sais pas quoi. Ils sont indignés. On leur interdisait aussi de... Oui, on leur interdisait, mais on leur a interdit toutes sortes de choses, ils l'ont quand même fait. Bon, si vous voulez, la puissance populaire aurait pu outrepasser les consignes de Lafayette qui étaient de se taire. Mais il y avait dans ce moment-là aussi cette hésitation qui est toujours présente dans le peuple français. Il y a les autorités et on les conteste. Donc la journée des Tuiles, elle préfigure d'abord l'événement majeur qui est la possibilité de dire à l'autorité suprême, le roi, écoutez, vous décidez ce que vous voulez, on le fera pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les gens qui vont... Est-ce que c'est la personne du roi qui était visée ou le gouvernement, la cour de Versailles ? Tout ça se mêle. La personne était respectée. Mais la phrase de la déclaration, elle est claire. Elle dit « Nous sentirons déliés de tout devoir d'obéissance à notre souverain ». Donc c'est bien le souverain dont il est question. L'autre événement, c'est... on envoie donc des troupes pour leur dire « Maintenant, tout le monde rentre à la maison, parce que ça suffit. On va retrouver ça, aux États généraux. Ça va être pareil. Le roi, à un moment donné, dit « Bon, maintenant, je ne vous ai pas appelé pour faire ça. Donc maintenant, vous rentrez chez vous. » Et c'est là que vous avez cette superbe réponse au marquis de Drobrézé, où Marabout lui dit « Nous sommes là par la volonté du peuple. Nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. » Donc vous avez une préfiguration de cette scène, parce qu'on leur envoie des troupes, et un grand seigneur peut leur dire maintenant tout le monde rentre chez soi, le roi vous disperse. Et évidemment, les gens qui sont là, il y a des personnages qu'on va retrouver dans la Révolution, comme Barnave. Pour être franc, ils ont peur. Donc, ils étaient prêts à céder. Et c'est le moment où le peuple se met sur les toits pour jeter des tuiles sur les troupes du roi. Donc, l'événement n'a pas pu avoir lieu, l'arrestation n'a pas pu se faire. Et il se produit encore autre chose qui est caractéristique des grands moments révolutionnaires, c'est que les femmes se précipitent dans le clocher et sonne le tocsin qui rameute toute la paysannerie qui est autour, qui, elle, est la grande zone grise des révolutions en France, parce que les paysans, on ne sait pas qui c'est, il y en a beaucoup, il y en a partout, et puis ils n'écrivent pas, donc ils ne racontent pas eux-mêmes leur histoire. Et le mythe de la jacquerie, qui depuis Charles V a laissé un souvenir terrible à toutes les élites sociales françaises, que ce soit les nobles, les bourgeois, ou même les maîtres de corporations ouvrières, ils ont une peur panique du paysan sortant de sa campagne. Et cette peur arrive, évidemment, dans ce moment-là. Elle est tellement présente. Vous savez que moi, j'aime bien les petits clins d'œil des permanences de l'histoire. L'autre soir, ici, nous avions un débat à l'Assemblée nationale, et une collègue a parlé du mouvement des Gilets jaunes en disant « cette jacquerie ». Alors, personne n'a relevé. Mais moi, je me suis dit, comment un mot a quand même traversé l'histoire pour décrire toujours une entité populaire, obscure, indistincte, qui serait plus sauvage qu'autre chose. Donc, cette journée des tuiles, à Grenoble, elle commence la Révolution. Et c'est parce que, en ce sens que, elle dit, regardez ce qu'il y a, regardez ce que le pays contient. Alors après, bon, ça va attendre, et c'est à la suite de ça que le roi dit, bon, très bien, puisque c'est comme ça, je convoque les États généraux en France. Et on va se retrouver avec, sur les bras, des choses qui font sourire, parce tellement elles sont contemporaines. Je vous cache pas que dans mes discours, dans mes meetings, je dis, bon, évidemment, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, mais il y avait une dette énorme et l'État savait plus comment la payer, alors tout le monde rit. Ensuite, je dis, il y a des gens qui voulaient pas payer, les nobles, bon, tout le monde rit, parce que dans notre société, il y a aussi des gens qui veulent pas payer. Il y a la grande similitude qui est l'État bloqué. Parce que nous parlons de l'État. La France, à l'époque, sous l'Ancien Régime aussi, a un État monarchique, absolu et tout ce qu'on veut, mais un État. Et cette paralysie de l'État est la paralysie du pays lui-même. C'est pourquoi cette journée est si importante. Et ensuite, quand les événements vont démarrer à Paris, Paris restant la ville repère, à l'époque, il n'y a pas tant de raisons que ça. C'est peut-être la ville la plus peuplée. La monarchie est à Versailles, et pas à Paris. La capitale, c'est Versailles. Voilà. Alors, mais le peuple parisien est un peuple très populaire, on va dire. Et pareil, à Paris, à nouveau, le point de départ, c'est les impôts. Ça, tout le monde a l'air de le perdre de vue, parce que dans le roman national, le récit glorieux, qui est normal, hein, on fait tout commencer à la Bastille. Mais non, la Bastille, c'est au bout de 3 jours d'émeute que les gens vont prendre la Bastille. Auparavant, les 54 barrières qui entourent Paris à l'époque ont été prises d'assaut et brûlées. Pourquoi ? Parce que c'est l'octroi. C'est-à-dire il y a un impôt à l'entrée de Paris et la marchandise dans Paris coûte 2 fois plus cher que de l'autre côté. Si vous prenez la porte de la Chapelle, où vous avez la rotonde à Paris, c'est un bâtiment tout neuf, c'est le dernier qui a été construit par la ferme générale. La ferme générale, c'est le système des impôts. Le roi délégué à une compagnie privée de percevoir les impôts. Elles venaient juste d'être finies, ils ont mis le feu, ainsi qu'à plus de 40 barrières sur 54 qu'il y avait d'entrée dans Paris. Et il y avait cette ébullition, les gens fichaient le feu à la barrière. Alors après, on a dit oui, c'est les voyous. Toujours, hein, c'est les voyous. En attendant, les gens payaient plus d'impôts, ils étaient très contents. Et l'incendie social va se propager dans Paris, mais pas n'importe où, pas au hasard, dans le quartier Saint-Antoine, où il y avait une imprimerie de papier peint, Réveillon, et ce sont les ouvriers qui ont commencé l'insurrection en allant à la Bastille régler des comptes. Parce qu'en février de la même année, le roi avait envoyé la troupe tirer sur eux. Alors, ça conduit d'ailleurs à un nouveau malentendu, parce que j'aime bien la description de Jean Jaurès, qui est un peu narquoise, et il leur dit, bah alors quoi, même pour faire vos révolutions, messieurs les bourgeois, il faut que ce soit les ouvriers qui les fassent. Et dans ce moment particulier de la prise de la Bastille, il faut lire le très beau livre d'Éric Vuillard, parce qu'il le raconte de minute en minute. Aujourd'hui, on pense que ça a été vite réglé, on dit qu'il y avait 4 ou 5 éclopés là-dedans, et le marquis de Launay s'est rendu sans... Non, il n'est pas rendu sans résistance. Il a commencé par leur faire tirer à coups de canon, et ainsi de suite, il y a eu 90 ou 100 morts à ce moment-là, et une liste officielle des vainqueurs de la Bastille. J'adore ça, c'est très français aussi. Ils ont fait une liste officielle. Et dedans, il y a une femme et une seule, Madame Charpentier, qui restera estropiée de cette aventure. Et il y a un homme étrange et intéressant qui s'appelle Maillard, dont on reparlera plus tard, parce que c'est lui qui se retrouve la nuit des massacres du 2 septembre à faire l'espèce de juge improvisé dans la cour des prisons. Mais pour rester sur le déclenchement de la Révolution, il faut qu'on essaye d'en repérer les constantes dans l'histoire de France. Et vous, et je ne crois pas me hasarder beaucoup en disant que toutes les révolutions populaires, hein, je ne parle pas des coups d'État entre nobles, toutes les révolutions populaires ont comme point de départ la question du fisc. Si vous prenez l'insurrection sous Charles V du maire de Paris qui s'insurge, qui va mettre toute la France en révolution, le point de départ, c'est le bon usage des impôts. Et au fond, dans cette histoire que nous vivons aujourd'hui, il y a un miroitement de l'histoire sur ce sujet, la dette, l'impôt, qui paye, et comment on va se sortir de l'impasse de l'État. Il y a une chose, c'est que, à propos des Jacqueries dont vous avez parlé, c'est que les Jacqueries étaient des mouvements contre les nobles, et pas du tout contre le roi. C'est-à-dire, oui, il y a un paradoxe dans les Jacqueries. On peut aussi penser que les soulèvements du peuple en 1788-89 étaient avant tout orientés contre les privilégiés qui bénéficiaient de privilèges fiscaux indus. C'est aussi l'art d'un révolutionnaire que de comprendre les mécanismes intimes de la révolution. Les peuples, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en tout cas le nôtre, est toujours partagé dans une ambivalence du rapport à l'autorité. Et c'est preuve de subtilité de sa part. On ne s'affronte pas au plus puissant, on s'affronte à l'étage intermédiaire, en disant « ce n'est pas le roi, il est bon et brave ». Et d'ailleurs, on préfère la justice du roi à celle du seigneur féodal, parce que le roi étant plus loin, c'est une justice d'appel. Et le juge d'appel ne va pas être celui qui est là et qui connaît votre père, votre grand-père, votre tante, bon, qui peut avoir des histoires avec votre famille. Donc le roi a plutôt bonne presse, mais le tyran local, c'est le seigneur féodal. Et tout à l'heure, j'évoquais la Révolution sous Charles V, Étienne Marcel. C'est pareil, quand les gens envahissent la chambre du roi, ils s'en prennent aux nobles, pas au roi. Étienne Marcel met le bonnet sur la tête du roi, « Sire, vous êtes sauf ». Et c'est tout le temps comme ça. Ils s'en prennent au seigneur féodal, à ses privilèges. Mais c'est une preuve de très grande lucidité de leur part. Des finances. C'est une très grande lucidité de leur part. Ils s'attaquent à celui ou à ceux dont ils pensent qu'ils vont le vaincre. Et ils n'ont pas, comme toujours dans les révolutions, la vision globale qui normalement devrait les conduire à dire mais le responsable de tout ça, c'est le système féodal et la clé de voûte du système féodal, c'est le roi. Ils sont pas dans une idéologie ou dans une critique idéologique du système. Ils sont dans la forme la plus terrible de la radicalité. C'est la radicalité concrète. C'est toi qui m'embêtes, viens te chercher chez toi. Ce qui s'est produit d'une certaine façon, qui me faisait sourire parce que on me dit, mais quand même, c'est incroyable, les Gilets jaunes vont sur les Champs-Élysées. Mais c'est vrai que même les gens de gauche ont intériorisé le fait qu'on ne va pas sur les Champs-Élysées parce qu'il y a un périmètre qui est interdit, qui mène au palais présidentiel. On n'y va pas. Et personne ne demande jamais dans les manifestations syndicales à aller sur les Champs-Élysées. On a intériorisé le fait que le pouvoir politique est là et qu'on n'y touche pas. Tandis que tous ces gens, eux, disent, mais c'est de sa faute à lui, ben, on va le chercher. D'autant qu'il a dit, venez me chercher. Alors, ces parallèles nous intéressent parce que ils montrent l'importance en politique des affects et des seuils qui se franchissent quand des affects sont détruits. Les processus populaires ne sont pas tous des processus qui ont une origine, une finalité et un vecteur purement rationnel. Il y entre beaucoup d'éléments de cette nature. Par exemple, quand la Révolution va se radicaliser, à l'initiative des femmes, elles vont chercher le roi à Versailles. Eh bien, on revient et on dit, on a ramené le boulanger, la boulangère et le petit mitron. C'est pas méchant. C'est pas, on va ramener ce fou sanguinaire. Après, les mots vont devenir plus durs dans la suite de la Révolution, à l'égard notamment de Marie-Antoinette. Mais le vocabulaire populaire est bienveillant. Et on peut, dans un premier temps, se dire, mais quelle naïveté, comment se fait-il qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et puis, on peut y voir aussi malice, ruse. C'est-à-dire, on affronte, mais on laisse une porte de sortie. Monsieur le roi, si vous voulez bien comprendre ce qu'on vous dit, on va pouvoir s'arranger. Mais si vous ne comprenez pas, ça va chauffer la preuve. Voilà. Et malheureusement, il ne comprendra pas. Et les choses. Non, je crois qu'il était, comme souvent, sur le plan personnel, il semble que Capet, Louis XVI, était un brave homme, que le métier n'intéressait que moyennement le métier de roi. Mais comme souvent, dans ces périodes, et c'est une des composantes du caractère explosif de la période, c'est que ceux qui exercent les responsabilités les plus importantes ne sont pas capables de penser le présent comme il est. Ils le pensent avec des grilles du passé. Donc, pour Louis XVI, par exemple, quand il va à la réunion des États généraux, il croise un gars à un moment donné, il lui dit « Mais mon bonhomme !» Et alors, les gens qui étaient là, « Comment mon bonhomme ? Comment il nous parle ?» Mais bonhomme, à l'époque, c'était le brave homme de la campagne. Et il y a un moment comme ça aussi qui m'a fait sourire, quand j'ai vu le président Macron dire dans une réunion « Dites donc à les enfants !» en parlant aux gens qui étaient là. « C'est pas open bar, dit-il, on vous donnera pas tout ce que vous voulez, il faut payer. » Cette difficulté à penser le présent dans ce qu'il est, c'est-à-dire quand vous êtes dans un moment d'insurrection massive, les gens sont à un haut degré de conscience politique. Il ne faut pas leur parler comme ça. Il ne faut pas leur donner l'impression de « bon, vous êtes des galopins ». Et Louis XVI commet cette erreur. Il pense avec les termes du passé. Comment ? D'ailleurs, quand il va aller se faire chercher dans son palais, c'est parce qu'il a refusé de signer la fin des privilèges, la nuit du 4 août. Il refuse ça. Et c'est donc qu'il se cramponne à un ordre du monde qui n'existe pas. Il est vraisemblable que lui-même ne comprenait pas ce qu'on lui demandait. Ou plus exactement, n'en comprenait pas la force. Pour lui, c'était une insurrection discutable dans ses principes, odieuse dans ses finalités, parce que, bon, le pouvoir du roi, comment on pouvait mettre ça en cause ? Quand vous êtes le roi, on comprend, hein, que vous trouviez ça insupportable. Il n'a pas été pour la monarchie constitutionnelle, la preuve. C'est que quand il fuit à Varennes, il laisse une lettre, ça c'est encore un travers bien français, on écrit. Bon, je n'y échappe pas, donc je ne vais pas trop m'en moquer. Il écrit une lettre, c'est sa condamnation à mort. Il dit « J'ai jamais cru à rien de ce que vous m'avez fait jurer, je suis d'accord avec rien, vous avez fait que de me persécuter, donc puisque c'est comme ça, je vais revenir et vous allez voir ce que vous allez voir. » Manque de peau pour lui, c'est lui qu'on a ramené de force. On peut dire aussi qu'il y a l'aspect religieux qui va heurter le roi, qui va l'amener à prendre une dérive, oui, je crois que tout formellement le anti-révolutionnaire. Oui. Tout le choquait. La révolution a un contenu anticlérical tout à fait évident dans la bourgeoisie, hein, la bourgeoisie des villes. Parce que nous sommes encore à une époque où la ville est une entité à part et la campagne une autre. C'est pas le cas aujourd'hui, il n'y a plus que la ville et le rurbain, comme on dit, c'est-à-dire que même les gens qui vivent à la campagne vivent sur le modèle urbain, avec les mœurs de la ville, avec les réseaux de la ville. À l'époque, non. Et la ville est très anticléricale, et d'ailleurs, de longue main, parce que la France s'est constituée sur un pacte entre l'Église et la force militaire, les rois. Quand on parle du baptême de Clovis, c'est une histoire, hein. C'était pas le premier chrétien qu'il y avait dans les rois, d'ailleurs sa propre femme était chrétienne. Mais à l'époque, l'Église de l'époque se coalise avec le guerrier franc pour en finir avec une hérésie. Alors ça nous amène au spectacle des hérésies en France. Les hérésies en France ont des caractéristiques, elles sont toutes populaires. Et c'est toutes des hérésies, la plupart, disons, l'hérésie cathare est une hérésie populaire, l'hérésie arienne l'est, et toutes se retournent contre l'Église. Mais l'Église officielle... Le protestantisme n'était pas populaire, était bourgeois. Il incarne quelque chose qui est le futur. Oui. Quelque chose qui est dans la bourgeoisie. Et le protestantisme n'est pas une hérésie. C'est une religion prétendument réformée, dit-on à l'époque. Hein. Bon, elle pénètre très profondément les familles nobles et bourgeoises. C'est ce qui l'a rendue d'ailleurs inextricable. Parce que, bon, d'abord, le propre roi est protestant. Henri IV, il absurde à deux reprises ou à trois. Enfin, suffisamment pour qu'on comprenne qu'il n'y croyait guère et que de toute façon, le pouvoir royal à ce moment-là commence à s'élever au-dessus des factions religieuses. Mais ça a pris des siècles. En attendant, c'est de longue main que le peuple est anti-curé, anti-évêque. D'abord parce que ceci ne donne pas une image très religieuse d'eux-mêmes. On trouve des évêques qui n'ont pas l'âge d'être, qui sont même pas adultes. On trouve des gens qui mènent une vie totalement... Pensons à Talleyrand qui officie à la fête de la Fédération. C'est terrible. Talleyrand est à la fête de la Fédération. C'est un moment révolutionnaire tout à fait inouï, parce que la fête de la Fédération, tout le monde a oublié, on ne comprend pas ce que ce mot vient faire. Mais ce sont des unités citoyennes qui se sont fédérées pour faire respecter l'ordre. Alors là, tout le monde dit, attendez, ça va trop loin, on va fédérer tout ça. Et il y a la fête de la Fédération. Et les premières paroles de Talleyrand, quand... Lafayette s'avance vers lui pour faire je ne sais quel serment, il lui dit « S'il vous plaît, ne me faites pas rire ». C'est, ils n'y croyaient absolument pas. Disons, c'est un des évêques athées qu'on a pu connaître de l'Ancien Régime. Il était en rupture avec voilà. La grande masse des fidèles, des assistants, qui eux étaient bons chrétiens. Et d'ailleurs, le christianisme, il y a à la fois un contenu très anticlérical du processus révolutionnaire et de ses leaders, mais il y a aussi, comme toujours, les radicalités se construisent l'une en regard de l'autre. À l'égalitarisme révolutionnaire et jacobin, répond à un inégalitarisme fondamental de la réaction, qui, elle, va professer exactement le contraire, en disant « Vos histoires d'égalité, ça existe nulle part dans la nature. Vous êtes donc condamnés à faire des régimes de violents contre l'ordre de la nature. » Et dans le christianisme français, il faut se souvenir qu'on sort d'une période terrible, qui est celle de Louis XIV, de répression du protestantisme, abolition de l'édit de Nantes, les dragonnades, cette horreur, on envoie des militaires chez les gens jusqu'à ce que les gens se convertissent. Inutile de vous dire qu'ils ne le faisaient pas avec un enthousiasme, mais avec une résistance populaire. Les camisards, c'est une résistance populaire. Marie Durand, les emmurés qui écrivent « résister », ce sont des gens du peuple. Et en même temps, une dose, comment dire, de folie religieuse à cette époque. On trouve des personnages aussi étranges qu'un type qui s'appelle Grignon de Montfort, qui est un illuminé absolu. Bon, il croit à son truc, hein, je ne veux pas faire offense à la foi. Et on l'envoie, parce que les choses étaient arrivées à un tel point qu'il y a des campagnes françaises où les gens sont devenus carrément païens, quoi, sont revenus aux religions antiques. Et alors ce Grignon de Montfort, lui, est allé en Vendée. Et il a radicalisé le clergé de Vendée, ce qui vous explique pourquoi la contre-révolution a trouvé en Vendée autant de monde. Parce qu'on nous dit, ils étaient catholiques, paysans et royalistes. Oui, mais toute la France était catholique, paysanne et royaliste. Pourquoi ça s'est produit là? Il faut toujours essayer de comprendre quel est le terrain particulier qui va permettre au feu de se propager dans la plaine. À Paris, ce sont les ouvriers de l'imprimerie Réveillon qui, les premiers, vont courir sus à la Bastille. Là, bon, dans la contre-révolution, c'est la Vendée. Et ainsi de suite. On repère l'endroit. Alors, je ne suis pas surpris qu'en France, dans l'affaire des Gilets jaunes, ce soit la périphérie urbaine, c'est-à-dire tous les gens qui sont en état de survie aussi longtemps qu'ils n'accèdent pas au réseau. C'est-à-dire, s'ils ne peuvent pas aller à la grande surface, à l'école, il y a un problème, c'est que tous ces endroits sont très séparés les uns des autres et qu'il faut rouler. Et que pour rouler, eh ben, il faut payer. Voilà. Et c'est à peu près la même chose que l'octroi à l'entrée de Paris. Voilà les effets de miroitement. Puis après, notre histoire est assez riche pour nous faire des gros clins d'œil, comme l'homonymie. Oui, Drouet. Vous pensez à Drouet. Oui. Alors, pour les lecteurs ou les auditeurs, rappelez-nous. Alors, bon, Drouet. Ça m'a tellement amusé de voir ça. Quand Capet s'enfuit à Varennes, Louis XVI part, il a une berline invraisemblable. Donc ça, c'est le 21 La nuit de Varennes, c'est... Il y avait une voiture assez curieuse, je ne sais pas qui avait inventé ça, elle était violette, et les roues étaient jaunes. Donc vous ne pouviez pas ne pas le voir passer, quoi. Et il passe dans une berline où il y a quand même beaucoup de monde, puisqu'il y a lui, sa femme, sa sœur, ses deux enfants, je ne sais quel curé encore qui se trouve là, il y a beaucoup de monde dedans. Ce qui va donner lieu à des scènes comiques au retour, parce qu'il y en a encore d'autres qui vont monter dedans. Et donc, ils passent, et à chaque arrêt où il devait y avoir des troupes, il n'y a personne. Alors, où ils ne sont pas là? Il y a un moment, si, ils y sont. Mais les gars viennent de descendre de cheval. Alors, leurs officiers disent, la berline est passée, on va l'escorter. Alors, les gars disent, non, pas question, qu'est-ce que cette histoire? On vient de démonter, donc on ne remontera pas. Ce qui est invraisemblable. En réalité, personne n'obéit. C'est ça qu'on voit déjà. C'est que jusque dans l'armée, parce qu'au retour, tout le monde va être là. Quand il va se faire choper. Et en cours de route, à Sainte-Ménéhoulde, il est repéré par le maître de poste qui s'appelle Drouet. Et Drouet dit, mais celui-là, je le connais. Comment il y a des rumeurs que le roi voulait s'enfuir? Alors les gens... Il connaît le profil sur les pièces. Voilà, à cause des pièces et des assignats. Alors il le repère, il dit, mais c'est le roi, ça pas qu'il comprend tout de suite. Et il fait ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'il monte à cheval, il appelle un copain, il monte à cheval, il passe par les bois parce qu'ils connaissent. Et ils vont le bloquer, ils connaissent le passage de la route, à Varennes, qui est la limite, avant de passer là où l'armée de l'Est était venue accueillir le roi, et on n'était plus sur des terres proprement du royaume de France. Et, pas proprement, disons. Et donc, il arrive là-bas, je parle que de Drouet, hein, et donc Drouet, c'est ce qu'il faut faire, il court à l'endroit où est le passage, c'est un pont, il y a une espèce de voûte au-dessus, et il y a un bistrot. Donc il va dans le bistrot, et justement, il y avait une réunion des sans-culottes du coin. Bon, petite dizaine, hein, pas plus, hein, ils sont là, Alors, crie, le roi est là, il faut l'empêcher de passer, tout ça. Tout le monde sort et construit une petite barricade sur le pont. Si on veut bien regarder, cette barricade n'est rien. Ils sont à peine une dizaine, normalement, le roi, s'il avait voulu, passait. Et de l'autre côté, il y a des militaires, mais précisément, ce qui échappe au regard de certains historiens, c'est pourquoi rien ne marche. Mais rien ne marche. Il n'y a personne quand il arrive. Quand il arrive à Varennes, la première porte à laquelle il toque, c'est pourtant un chevalier de Saint-Louis, ça. Un homme, le gars dit, écoutez, moi, vos histoires, c'est trop compliqué, passez. Donc le roi passe, où est le maire? Il n'est pas là. Donc on va chez l'adjoint au maire. C'est un épicier, il s'appelle Sauce, ça ne s'invente pas, un truc pareil. Donc le voilà chez Sauce, et ce Sauce, tout d'un coup, se retrouve avec une histoire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, il n'est pas bien. Donc il dit, mais je connais un gars, il habitait Versailles. Il a été au mariage, donc il va reconnaître le roi, si c'est le roi. Il va chercher le gars, et le gars, évidemment, qui est un ballot, mais il est sympa, il se met à genoux, cire, tout ça. Tout le monde comprend que c'est le roi. Donc ceux qui sont sur la barricade entendent dire, oui, c'est bien le roi. Résultat, les gens commencent à arriver. On sonne le tocsin, les paysans de partout arrivent et vont bloquer. Quelqu'un dit, mais moi, je vais vous dégager tout ça. Ça aussi, c'est un grand classique des révolutions. Vous avez toujours un gros malin qui dit, mais tout ça, c'est de la piétaille, je vais vous régler l'affaire en 5 minutes. Il descend et puis il remonte bien vite, il s'est pris une balle, parce que les soldats qui étaient là, on dit qu'ils parlaient tudesque. Alors l'expression veut dire qu'ils parlaient allemand, c'est des gens qui venaient de l'est du pays. Et ils ne veulent rien savoir. Il n'est pas question pour eux de tirer sur la barricade, ils ne voient pas pourquoi ils feraient ça, ils préfèrent tirer sur l'officier. Ce qui est une scène qu'on va retrouver dans beaucoup d'histoires de révolution des différents pays. Et donc ce Drouet, si vous voulez, a fait ce qu'il fallait. C'est un personnage absolument incroyable. Après, on va le retrouver, il est élu député. Il participe à toutes les journées révolutionnaires. À un moment donné, il est aux armées, il le capture, il essaye de s'évader, il tombe de son toit. Enfin, et Napoléon le décore, à la fin, quand c'est l'Empire, il lui dit, monsieur, sans vous, l'histoire du monde aurait été différente. Mais c'est vrai. Parce que si Louis XVI s'était enfui, il n'aurait pas été guillotiné, la révolution aurait été différente. Bon, et donc ce Drouet était un personnage clé. Ça m'a amusé de retrouver un Drouet à la tête des Gilets jaunes. Dans un moment que, pour ma part, hein, je mets les choses bien à leur place, de mon point de vue à moi, d'une insurrection citoyenne qui dénonce la monarchie présidentielle. J'ai dit que j'étais fasciné par l'histoire de France et les petits cailloux comme ça qu'elle nous met, qui miroitent. Mais tout à l'heure, je vous ai raconté comment Étienne Marcel met le bonnet sur la tête du roi Charles V, lui dit « Sire, vous êtes sauf ». Bon, quand le roi de France Louis XVI la foule envahit le Louvre, pareil, Lafayette qu'elle a lui dit « Sire », il lui met la cocarde. Il lui met la cocarde en disant « Vous êtes sauf ». Notre histoire, on ne sait pas pourquoi, c'est comme ça, mais parce que nous sommes tous imprégnés d'histoire. Les dirigeants politiques français, en général, hein, pas toujours. Et quand ils ne le sont pas, ils leur en cuit, parce qu'ils ne comprennent pas la patte profonde qu'est la France. Et si l'on revient à la Révolution, vous avez évoqué les origines fiscales, et les injustices qui ont motivé les premières révoltes, on peut dire que 10 ans après, globalement, la justice fiscale était acquise, c'est-à-dire les privilèges fiscaux abolis, et le code civil, une justice égale pour tous, établie. Donc d'une certaine manière, les grandes ambitions des premiers révolutionnaires était réalisé, mais dans quelles conditions? Mais la révolution n'est jamais un acte simple, parce que son existence même témoigne de l'impossibilité d'arriver à négocier des sorties consensuelles. Sinon, il n'y aurait pas de révolution. C'est exactement ce que dit Robespierre. Les gens lui disent, mais je ne sais plus à quel propos. Je crois que la foule avait envahi l'Assemblée. On dit, c'est pas légal. Mais il dit, mais bien sûr, la Bastille non plus, c'était pas légal. Abolir la royauté non plus, c'était pas légal. L'acte révolutionnaire atteste du blocage des sociétés. Donc, comme on le sait, c'est une rêverie qui n'a pas de signification, de dire les choses auraient pu être autrement. C'est la thèse de M. François Furet, que moi je récuse absolument, je trouve que Thomas Pluquet a fait la démonstration. Furet dit, tout se serait passé tranquillement s'il n'y avait pas eu ces enragés de Jacobins pour tout rendre impossible et tout bloquer. Et le Pocket montre, je trouve, d'une manière très claire, il a fait toutes les correspondances des membres des États généraux. Ce sont de bons bourgeois, plutôt pacifiques, qui écrivent alors avec une solennité terrible à leur mandant, pour leur dire voilà ce qui se passe. Alors, nous ne sommes pas naïfs, nous savons très bien qu'ils savaient que leurs épouses liraient les lettres. Hein. Donc ils y mettent beaucoup de forme, mais on les voit tâtonner, ils sont devant un événement qu'ils n'ont pas prévu. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Le roi veut le veto. Voilà, mais bon, maintenant, on ne s'est pas réunis pour donner le droit de veto au roi, donc on est en état d'insurrection aggravée. Là-dessus, le roi s'enfuit, qu'est-ce qu'on fait? Alors ça, c'est après. Ils sont entraînés, poussés par les événements. Les événements les obligent à trouver des réponses à une situation à laquelle personne n'avait pensé auparavant. C'est très important de comprendre cet aspect psychologique des événements révolutionnaires, parce que d'abord, elle vous permet de comprendre leur accélération incroyable, parce qu'en temps normal, les choses ne vont pas aussi vite. Deuxièmement, l'usure des personnages, c'est-à-dire à quelle vitesse les gens sont brûlés de l'intérieur, parce qu'ils ont donné tout ce qui était en eux, et qu'à un moment donné, vous les sentez, vous sentez qu'ils ont atteint leurs limites personnelles. On ne peut pas comprendre Thermidor si on ne comprend pas qu'on a affaire, au moins pour les trois principaux personnages, Saint-Just, Robespierre et Couthon, à des hommes épuisés. Et le jour même de l'arrestation du 9 Thermidor, il est vraisemblable que Saint-Just n'a pas dormi du tout. C'est la raison pour laquelle il ne parle pas. De la même manière, les personnages dans les révolutions vivent les révolutions avec les images du passé. Alors le roi les vit avec les images de la monarchie absolue, mais les révolutionnaires ont aussi quelque chose par moments d'émouvant et d'attendrissant. Ils ne parlent que de la Rome antique, de la République romaine, c'est-à-dire de quelque chose qui s'est déroulé pratiquement 15 siècles avant. J'exagère, mais bon, non, on voit à peu près au moins à l'époque 1789, donc ça nous fait 17 siècles, on en rajoute 3 ou 4 pour la République romaine, vous voyez, ça fait 20 siècles avant. Et ils vivent parce que ça fait partie de leur culture. De même que le personnage que vous avez devant vous intègre dans son regard sur l'histoire cette histoire. Et malheur à ceux qui ne la connaissent pas, parce que le peuple français est travaillé par longue de son histoire. Tous nos profs apprennent à tous nos gosses, à toutes les générations, l'histoire de la Révolution française. Ils savent qu'ils sont les enfants de ça, même si aucun de vos parents n'était français à l'époque, comme ça arrive à beaucoup de Français. Hein. En attendant, c'est ça le pacte républicain français. Comment vous expliquez qu'il y ait tant de gens qui aient sorti des pancartes, les uns avec des bonnets phrygiens, les autres avec des piques, des fois la guillotine, c'est plus discutable. Nous vivons toujours la Révolution française. Oui, et on compare, on fait des comparaisons qui ne sont pas toujours très gracieuses, mais là, comme disait Mao Tse-Tung, hein, la Révolution n'est pas un dîner de bal, n'est pas dîner de gala. Oui, elle n'est pas un gala, voilà. Alors je prends Mao Tse-Tung, il était particulièrement violent, et il en connaissait quelque chose de manière assez, assez désagréable. Mais c'est comme ça. Tout d'un coup, un embrasement soulève jusqu'à la profondeur la plus ultime du pays. Alors tout remonte. Alors la bonne société, en général, dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Regardez, alors toujours des exemples déplorables à montrer. Parce que cette société n'est pas consciente de sa propre violence. Elle n'en a pas conscience. Elle pense que c'est l'ordre naturel. Et ceux qui s'opposent à elle, c'est comme dit Blanqui. Blanqui a un très beau texte sur les insurrections populaires. Il dit « Ce qui est le plus surprenant, c'est la stupeur des gens en place. » Et qui se disent « Mais regardez, ils sont tellement sauvages qu'ils se révoltent quand on les attaque. » Oui. C'est Blanqui qui dit ça. Bon, ça se discute. Hein. Nous sommes un peuple travaillé par cette dispute depuis 2 siècles. Les uns au nom d'un égalitarisme, d'une égalité et d'un égalitarisme fondamental, les autres du point de vue inverse. Les uns soulignant qu'il n'est d'issue que collective, les autres surlignant le fait que c'est le mérite des individus qui constitue le bien général. Nous soyons... C'est très difficile d'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'interpréter, ils la connaissent superficiellement, bon, des gens qui changent de camp comme Lafayette. Lafayette est un héros aux États-Unis et en France. Et puis un jour on a même dit, bah, tiens, on va mettre Lafayette au Panthéon. Il y a des gens qui ont dit, ah ben non, c'est pas possible, parce que Lafayette, avec tout son état-major, est placé à l'ennemi. Et je me souviens de ce moment-là, et plein de gens me disaient, ah bon, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ça repartait. Ça repart, ça discute, oui, mais, etc. Les Français sont passionnés d'histoire. Nous sommes la grande nation politique de l'Europe grâce à ça. Et ce n'est pas nous qui le regretterons. Je vous remercie infiniment pour ce survol passionnant de la Révolution française. Et je pense que chacun pourra y trouver matière à réflexion. Elle nous a fait français, voilà ce que nous pouvons dire. C'est à ce moment-là qu'est inventée la maxime liberté, égalité, fraternité. Et depuis, je crois que, en général, 99% des Français se reconnaissent dans cette formule. Ils ne l'interprètent pas de la même manière, mais ils se reconnaissent dans cette formule. Et ça, c'est énorme. C'est gigantesque. C'est l'identité politique du peuple français. Merci. Merci encore pour cette conclusion. Thank you. l'Europe en question, sortir des traités européens. L'Europe de nos rêves est morte. L'Union actuelle est seulement un marché unique et les peuples sont soumis à la dictature des banques et de la finance. Comment stopper ce cauchemar ? Nous devons sortir des traités européens qui nous font obligation de mener des politiques d'austérité, d'abolir l'action de l'État et les investissements publics. Tout cela au prétexte d'une dette dont tout le monde sait qu'elle ne peut être payée dans aucun pays. Notre indépendance d'action et la souveraineté de nos décisions ne doivent donc plus être abandonnées aux obsessions idéologiques de la Commission européenne ni à la superbe du gouvernement de grande coalition de la droite et du PS en Allemagne. Jean-Luc Mélenchon. 49. Prendre les mesures immédiates et unilatérales de sauvegarde des intérêts de la nation et d'application de notre projet. Il n'y a pas de choix démocratique contre les traités européens. En tenant ces propos, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a lui-même fixé le cadre de la tyrannie qu'il exerce. Notre programme n'est pas compatible avec les règles des traités européens qui imposent l'austérité budgétaire, le libre-échange et la destruction des services publics. Pour appliquer notre programme, il nous faudra donc désobéir aux traités dès notre arrivée au pouvoir, par des mesures de sauvegarde de la souveraineté du peuple français. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. S'exonérer du pacte de stabilité et des règles européennes encadrant les déficits, et dénoncer le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, TSCG, ratifié à l'initiative de François Hollande en violation de ses engagements de campagne. Cesser d'appliquer unilatéralement la directive sur le détachement de travailleurs en France. La législation nationale doit s'appliquer totalement, y compris concernant les cotisations sociales patronales et salariales. Refuser les régressions du droit européen sur les questions sociales et écologiques par rapport au droit national. Refuser les traités de libre-échange, le traité transatlantique TAFTA entre l'UE et les États-Unis, CETA avec le Canada et le traité TISA de libéralisation des services. Stopper la libéralisation et la privatisation de services publics, barrages hydroélectriques, transports ferroviaires intérieurs, grandes lignes, ETER, etc. Encadrer les mouvements de capitaux pour éviter l'évasion fiscale et les attaques spéculatives contre la France. 50. Organiser le processus de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans esprit de vengeance ou de punition. Le vote du peuple britannique le 23 juin 2016 pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne doit être respecté. Cela suppose des négociations sans esprit de vengeance ni punition, mais qui défendent l'intérêt national des Français et la coopération entre les peuples. La frontière du Royaume-Uni n'est pas dans le Pas-de-Calais, nous dénoncerons les accords du Touquet. 51. Plan A. Proposer une refondation démocratique, sociale et écologique des traités européens par la négociation. L'UE est en voie de dislocation. Elle n'a pas voulu écouter les refus des peuples depuis le référendum français de 2005. La sortie des traités européens actuels s'impose à nous. Ce sera nécessairement un rapport de force, notamment avec le gouvernement allemand. Nous proposons donc une stratégie de gouvernement en deux temps, avec un plan A et un plan B en cas d'échec du plan A. Le plan A, c'est la sortie concertée des traités européens par l'abandon des règles existantes pour tous les pays qui le souhaitent et la négociation d'autres règles. Le plan B, c'est la sortie des traités européens unilatérales par la France pour proposer d'autres coopérations. L'UE, on la change ou on la quitte. Le mandat de négociation de ces plans sera soumis au préalable à l'Assemblée nationale. La validation de ce processus passera nécessairement par une décision du peuple français par référendum. Dans cette refondation européenne, nous voulons notamment Mettre fin à l'indépendance de la Banque Centrale Européenne, modifier ses missions et statuts, autoriser le rachat de la dette publique directement aux États, interdire à la BCE de couper les liquidités à un État membre. Sans attendre, la Banque de France sera mise au service de ses objectifs. Dévaluer l'euro pour revenir à la parité initiale avec le dollar. Mettre au pas la finance, prohiber les instruments financiers toxiques, taxer les transactions financières, contrôler les mouvements de capitaux pour empêcher les attaques spéculatives. Organiser une conférence européenne sur les dettes souveraines, débouchant sur des moratoires, une baisse des taux d'intérêt, des rééchelonnements et annulations partielles. Arrêter la libéralisation des services publics, rail, énergie, télécom. Mettre en place un protectionnisme solidaire. Arrêt de la libre circulation des capitaux et des marchandises entre l'UE et les pays tiers. Arrêt des politiques de libre-échange qui ruinent les économies en développement et détruisent l'industrie européenne. Autorisation des aides d'État au secteur stratégique. Mettre fin au dumping à l'intérieur de l'UE par une politique volontariste et rapide d'harmonisation sociale et fiscale par le haut dans toute l'UE avec inscription d'une clause de non-régression des droits sociaux. Refonder la politique agricole commune pour garantir l'autosuffisance alimentaire, la relocalisation et l'agriculture écologique et paysanne. Abandonner le marché carbone et mettre en œuvre une véritable politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre avec des critères de convergence impératifs. En cas d'accord, le résultat des négociations sera soumis à référendum du peuple français qui décidera souverainement de sa participation à l'Union européenne refondée ou de la sortie. 52. Appliquer un plan B en cas d'échec des négociations. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Stopper la contribution de la France au budget de l'Union européenne, 22 milliards d'euros par an, dont 7 milliards d'euros de contribution nette. Réquisitionner la Banque de France pour transformer l'euro en monnaie commune et non plus unique. Mettre en place un contrôle des capitaux et des marchandises aux frontières nationales pour éviter l'évasion fiscale des plus riches et des grands groupes et se protéger des attaques spéculatives et du dumping social, fiscal et écologique. Construire de nouvelles coopérations avec les États qui le souhaitent en matière culturelle, éducative, scientifique, etc. 53. Défendre et développer les coopérations avec les autres peuples d'Europe. Les traités européens imposent la concurrence au lieu de la coopération entre les peuples. Nous voulons plus de coopération dans les domaines culturels, scientifiques, industriels, écologiques et sociaux. Les espaces existants et à créer pour cela sont nombreux. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Proposer une alliance des pays d'Europe du Sud pour sortir de l'austérité et engager des politiques concertées de relance écologique et sociale de l'activité. Renforcer la participation française aux programmes de coopération plus larges que l'UE, Erasmus, ou n'ayant rien à voir avec l'UE, CERN, ArianeSpace, Airbus. Proposer de nouvelles coopérations fondées sur la libre participation des nations en matière sociale ou écologique, programme de dépollution, transition énergétique. Thank you.